calling me with Chevy. Don't let pay TV be the monster in your living room. Pay TV and cable TV companies are seeking the right to charge you. Let your lawmakers know how you feel in the fight against pay TV and cable TV. Chaud, radio, classe à gueule, moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70% pour 100%. Début, tout le monde. Bonjour, ouais. Ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, j'avoue présentement 70%. Let's go, les bonne gars, écoute. Allez! Il y avait un petit peu trop d'émotion, celui-là. On peut-tu la reprendre avec un. Dans le juste milieu, là, les gars, vous êtes capables de jouer juste? Ah non, c'est, oui, c'est pas sûr. Vraiment. La tune est finie, je pense que oui. Parce que ouais, ouais. Ça doit être ça. Parce que oui, moi. Oh, oui. Hey, on est live. Tommy Godette au micro, toujours un plaisir, un honneur et un privilège. C'est 70%, ça commence fort ce soir. Zoom plus. Ça commence un petit peu sur la même note que la semaine passée, parce que le disque est resté toute la semaine sur la table et j'ai pas eu le temps d'aller le ripper pour... Dommage. Savourer l'antique. Oui, merci. Étienne Forêt, toujours présent, toujours solide. Étienne, toujours. Tu continues à rateler les fonds de tiroir? Toujours, les fonds de tiroir, ça, les tiroirs sont grands chez moi. OK, c'est bon. Caméra 2, caméra 2. C'est bon, ça. Puis t'as-tu comme une, mettons, une trame sonore de fond, toi, tu vas gérer ça, là? Ouais, d'habitude, ce que je fais, là, ce qui plaît beaucoup à tous les auditeurs, on m'en reparle régulièrement, là, d'accord. C'est que je mets des chansons genre d'orgue comme ça en background. Puis du Lucien Tu, puis des affaires de même. OK, donc tu te sens armé pour faire face à la demande et nous créer une ambiance géniale pour un 70%. On a entendu aussi les commentaires sur le orange en arrière. Ça a été entendu, là. On va trouver de quoi avant longtemps. C'est pas du orange keying, mettons. Là. Ben oui, c'est ça. Ça va tout tasser vite. La DA arrive de vacances dans 3 semaines. Oui. on a notre réalisateur invité, M. Levert, qui a présenté son dernier documentaire qui jouait dans toutes les salles du Québec. Pas parler dans le micro, mais... Toujours prêt, qui est là, Myriam à la caméra. Mathieu Boudreau, tu nous parles de quoi aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, cette semaine, j'ai fait de la drogue. Oh, ah, c'est, oui, comme c'est la première semaine. L'aspirine. Et voilà. Lors des drogues un peu plus dures, là. Ok, je suis étonné. Je suis allé dans le monde interlope. Interlope, j'aime ça. Grosse semaine, mon fils t'a fait un dessin. Ton fils? Ouais, mon fils t'a fait un dessin. Et puis, toi, Fred, tu nous amènes des nouvelles du domaine des cœurs. Hein? Et des corn pops. Thomas qu'on flirte, puis des corn pops. Puis j'ai un dossier aussi sur Leslie Nielsen. Je suis tombé sur un livre de Leslie Nielsen, le regretté Leslie Nielsen. Bad Golf My Way, que ma merveilleuse blonde a trouvé au Village des Valeurs. Donc dans tout le flaf là du Village des Valeurs. Ça me semble philosophique, je pense. Caméra 2. Caméra 2, c'est. Et Paul Jean, notre français de service, toi t'es ici pour nous rappeler de pas parler trop vite parce que des fois les gens oublient des choses. Ouais, ouais, ouais, je comprends. C'est ça, sens-toi à l'aise pour rire de qui tu veux comme tu veux. Là. Ça marche. Si ça te tente pas de rire, t'es correct aussi, mais on est pas mal drôle. Là. On devrait être rejoint plus tard par Julien Bernatché et tout le tout team. Sinon, on commence par quoi, mon Simon Préjean, avec un clip, avec tout. On va aller voir Zombie Delight de Box 65. Il l'a dit, Zombie Delight. Voilà. On coupé! C'est excellent. La télé des essais. Zombies are on the loose, be courageous, they're totally disgusting, their condition is contagious. contagious. They'll try to bite your body, but don't let them. The situation's getting worse, we better go get them. Zombie apocalypse, the day has come, the party starts. Look out for raggedy people with rotten body parts. Don't drink water from a contaminated source. It's time to do battle with a reanimated corpse. Prepare yourself physically and mentally steady, yes. They're known for the muddy dress, their face is a bloody mess. Zombie invasion, the problem's international. Don't try to reason with them, zombies are irrational. These are dead people, imagine how they smell. If you're bitten, then you become a zombie yourself. They don't need raisins or peanuts or chocolate chips. Shoot them in the head, it's the zombie apocalypse. Zombie to life, zombie to life. Zombies are coming to the kitchen tonight. Zombie to life, zombie to life. Zombies are coming to the kitchen tonight. Zombie to life, zombie to life. Zombies are coming to the kitchen tonight. Zombie to life, zombie to life. Zombies are coming to the kitchen tonight. Why is this happening? People are frantic. The military's overwhelmed, widespread panic. Cities are destroyed and the streets run red. How do we contain this plague of the undead? Weaponize thyself, call on the troops. Zombies have the tendency to mobilize in large groups. There's very little information and no answers. One weird thing is that they're excellent dancers. Watch this. Revitalized remains. The only thing they know how to say is the word brains. That's all they're interested in is your gray matter. Hey, batter, hit them in the head and they may splatter. The zombie tsunami is out of control. Hide in your basement or go on patrol. The world is being pillaged of its beauty and its worth. Brain dead zombies are taking over planet Earth. Zombie to life, zombie to life. Zombies are coming to the kitchen tonight. Zombie to life, zombie to life. Dolph Lundgren est de retour. Alors, la maman partit dans la forêt avec ses trois petits-enfants. Il faisait froid et noir en cette nuit de Noël. Dans toutes les maisons, on entendait des cris de joie. Noël, Noël, joyeux Noël. Mais leur petit ventre à eux criait famine. Famine, famine, joyeuse famine. C'est alors qu'elle décida de les abandonner dans cette grande forêt noire et froide. Son cœur était déchiré, mais elle n'avait pas d'autre solution. Adieu, joli bambin. Adieu, mes petits, leur dit-elle, alors qu'ils enfouissaient leurs yeux pleins de larmes dans la jupe légère qui sentait bon la maman chaude, la maman douce, la maman qu'on aime tant. Adieu. Dolph Lundgren est le pleurnicheur. Et elle partit, le cœur lourd, manger une dinde au restaurant. Ok, le white balance, c'est quasiment prête. Un peu, les gars, préparez-vous. On est prêts pour préparez-vous. Le white balance. Préparez-vous. What's up? Ok, white balance, c'est correct, caméra 2? White balance. Caméra 2, c'est bon, ok. Caméra 1, c'est bon. Action! C'est pris. Et voilà. 3, 2, 1, action! Allez, on est bon. Oh, on est revenu, je pense. Ah oui, on est dans 70% bon. Complet. Pardon? En fait, ouais, plug le thème de Bruno. Hein. On va penser à notre ami lecteur de nouvelles. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui va prendre sa place ce soir et qui va prendre des choses. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Genki Dama. Hey, peut-être que les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué que Bruno Corbin n'est pas ici. Voilà. Ça manque de moustache. Moi, ce que je fais d'habitude à chaque semaine, je lis le courrier de nos auditeurs, parce que vous pouvez nous rejoindre par email. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter ou sur le chat de douteux.tv. Les adresses sont sûrement en bas de l'écran, ou sinon, ils le seront éventuellement. Pour les spectateurs qui ne savent pas c'est quoi Twitter, tu peux-tu nous préciser? Twitter, c'est comme un Facebook, mais avec juste des statues. Avec un oiseau dessus, en plus. Voilà. Comme le Parthénon, finalement. Pardon? Le producer, il vient de m'appeler, là, il veut plug. OK, alors la Palouza vient de nous appeler, puis je les plug. Donc, non, mais c'est correct. Moi, je travaille bien avec les réalisateurs. Donc, oui, cette semaine, j'ai un seul courriel qui nous dit... je ne file pas super aujourd'hui et je ne crois pas venir à l'émission. Je vous envoie toutes mes énergies positives pour éliminer les toxines ou whatever. Fuck you, bon show, Bruno Corbin. Okay. Alors voilà, ouais, on le reconnaît. C'est pas mal. Ouais. C'est le courrier de la semaine. Okay, on fait des faces tristes là. Ok, fasse-moi Bruno. J'espère qu'il va bien. Ok, c'est bon, on enchaîne. C'est bon, okay, donc on continue avec les nouvelles de la semaine. D'abord, on a-tu eu d'autres nouvelles, d'autres emails, quelqu'un qui nous a envoyé du courrier, des cadeaux? On a-tu eu des cadeaux? On a eu des cadeaux physiques. On n'a rien eu de virtuel là, de mon côté. Là, je regarde, je suis en train de vérifier, là, puis non. Non, absolument c'est, rien. C'est maman. Oh, un fromage aussi. C'est notre ami PJ. Ah, ben voilà. Oui, un Français qui tient un brebis, c'est bien normal, quand même. C'est tellement comme typique. Né avec. Ajuste ton flore. Là, on déballe. Ah, ça fait pas assez français. Ouais, qu'on trouve une baguette à cet homme. Fait que dans le fond, on vient de faire le tour des nouvelles de la semaine. Oui, ça a été rapide. Personne n'avait rien à nous dire cette semaine, à part quelqu'un qui voulait pas venir à notre émission. Mais sinon, ça va. Donc, on rappelle que vous pouvez nous écrire à 70% à gmail.com, puis les mails là, on les lit en ondes tous. Voilà. On a aussi notre concours de dessin. Oui, qui se poursuit, le concours de dessin qui se poursuit. Oh. On a eu une entrée cette semaine ici, c'est quand même assez élaboré. Ouais. Le concours de dessin qui se poursuit, c'est caméra 2. Un des dessins qui me ressemble pas trop que j'ai vu. Là, mais ouais, c'est pas grave, là, ton nom est bien écrit. C'est rien comme le talent de ton fils. Je pense que Mathieu, il peut être confortable. Sinon, à date... On est allé en Beauce, ça, il y a quelques semaines, pour aller chercher des affaires spéciales. Et puis là, je remarque qu'il y a M. Hot Dog qu'on a trouvé au Washington. Tiens, Fred, je te laisse tenir M. Hot Dog. On a Mme Poutine. On va jouer un petit jeu ici. On a M. Rose Beef. Fred. Monsieur Rose Beef, il a l'air d'un burger. On a Madame Salade. Montez pas, Monsieur Rose Beef, il passe pas bien à l'écran, lui. Et Monsieur Burger. Hey, Monsieur Burger, qui est juste ici. Hein? Voilà. Donc, il faut trouver comme l'intrus au sein de cette joyeuse farambole-là. Pour vous aider, on garde tout ça stable. Ouais. C'est, en fait... Monsieur Burger, il est pas cachère. Qui est l'intrus? L'intrus. Et oui, le technicien qui suit. C'est effectivement Mademoiselle Poutine qui est la seule de toute la bande qui n'est pas composée à 100% de matière digérable. Donc, si, mettons, les produits qu'on voit et qui sont contents sont consommés comme ils sont supposés être consommés, c'est Madame Poutine qui va rester quand même une entité. Ouais. Elle va-t-elle être encore en vie si on la vide toute de son contenu? Voilà. C'est la question, là. Parce que, mettons, moi, si on me vide toute de mon contenu, je vais mourir. Qu'en est-il de la Poutine? Ça me fait penser à dans Papyrus, là, il y avait des méchants qui étaient comme bruns, là, puis qui avaient des petits nains, là, puis il y avait comme une cuvette avec du liquide dans leur cuvette sur leur tête. Puis quand tu disais le nom, qui était super compliqué, là, puis qui se penchait, puis le liquide se vidait, ben il devenait comme con. Ok, ça s'étire, on enchaîne. Okay. Donc, j'ai trouvé ça. Donc oui, c'est effectivement Madame Poutine, Mademoiselle Poutine. Oh, pardon, elle est encore mariée. Oui. Pas mariée. Mademoiselle, non, exactement ça. J'avoue que c'est un drôle de mariage. Sinon, ben, c'était quoi après qu'on avait dit « Ah, oh, fuck, c'est vrai, c'était des... » On avait dit ah ouais, lis-moi des Metro Flirt, la bouche pleine de cold pops. Oui. Moi, je suis certain que c'est un loup-garou ou un vampire. Il déjeune tout le temps le soir. Ça ment pas, ça. La belle inconnue de la 69. À la belle inconnue de la 69, devant ton silence, je dois m'incliner et me retirer. J'espère ne pas t'avoir effrayé. Mon message visait à te faire sourire et non courir. Peut-être n'étais-tu tout simplement pas reconnu. Qui sait? On ne saura probablement jamais. Je te salue, ma belle inconnue. Ok, ça, Fred, c'est une suite d'un autre de métro qui saigne. Fred, tu peux-tu reprendre sur un ton plus romantique? Non, je vais en faire une autre après. C'est... mais plus romantique. Mais pour vrai, c'était la suite de quelque chose. C'était la suite. Mais l'inconnu de la. Ah non, mais c'est ça à chaque fois. Ils disent la belle inconnue de la 60. C'est tout le temps un peu ça. Ça veut-tu dire que je commence à écouter? Elle va pas être. T'es en train de m'avoir. C'est ça. Il y en a une, ça fait longtemps que je voulais lire, en fait, parce que c'est une bonne, là, elle date du journal du 23 novembre, donc ça va. Ah oui, c'est oui. Belle blonde. Belle grande blonde aux yeux bleus, je t'ai aperçu à quelques reprises, Station Snowdon. Romantique, romantique. Mais j'avais jamais assez souvent à mon goût. La dernière fois, tu portais ton coupe-vent vers Lynn. On s'est souri. Je me suis empressé de te suivre à l'intérieur du wagon de métro. Jeune vingtaine, serais-tu étudiante? Je t'ai suivi jusqu'à la station au parc ce matin-là pour profiter de ta présence le plus possible. Hey, c'est... le possible, on l'a senti comme ça. Dis-moi quelle journée. Hey, 23 novembre, c'est une belle cuvée de métro. Oui, j'avoue, à date, 23 novembre. Depuis, je te cherche sans relâche. Toi pour qui mon cœur a penché le premier jour où je t'ai vu. J'ai si hâte de te recroiser. Je te suivrai à nouveau et oserais-je peut-être jusqu'à t'inviter quelque part, chère Julie. De belle âtre. Hey, ça, c'est un homme moderne, mon gars. Il y a des couilles, ce gars-là. C'est peut-être une fille aussi, parce qu'il n'y a jamais dit. Je délègue ma chronique Metro Flirt un peu à notre invité d'aujourd'hui. Ben, c'est bien aujourd'hui. Invité! Merci bien, messieurs. Invité! Eh ben oui, je suis à 70% donc. Super. Ouais, eh ben ouais, c'est bien sympa. Alors je vais vous en lire une petite avec un ton bien romantique, ma peux-tu foi. Peux-tu exagérer ton accent français? Ah oui, absolument. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a aucun problème. On rappelle qu'on a un réalisateur invité. Alors, Cupcake. Du producteur, il est bon, le verre. Je ressens toujours un immense bonheur lorsque j'ai la chance de prendre le train avec toi. Tu portes toujours une tuque verte. Pas du romantique, j'ai dit français. Eh, hey, c'est romantique et français, c'est la même chose, mec. Grisadien, ta nouvelle gigloupette. Accompagnée de tes gros écouteurs Audio Technica. Oh, wow, ouais. Tu me fais toujours craquer avec ton petit sourire et tes belles lunettes. J'espère que tu te reconnaîtras. Bravo. Oh, ah, ben wow, oui. Hein. Hey, j'espère qu'ils vont appeler leur premier enfant Bill Baxter. Il y en a un dans le monde, au moins. Hey, merci beaucoup, Paul-Jean. Mais je vous en prie. T'es natif de quelle région du grand pays qu'est l'Hexagone? Alors, justement, de la ville de la BD, Angoulême. Est-ce que tu collectionnes les cartes des présidents français? Absolument pas. Non, je cherchais Chirac recru. Mais ça, si tu veux, je peux te trouver une photo, mais pas en carte. C'est quel ton président français qui t'a le plus déçu à date? Je crois que ça se compte par septennat ou par quinquennat à chaque fois que ça se passe. Okay. C'est quel ton préféré? Tu peux prendre les empereurs, mettons. Ouais, Napoléon. Napoléon, c'est pas mal. Ouais. Pourquoi est-ce que les gens qui imitent Napoléon sont immanquablement des cons, mettons? Ah, mais ça, justement, c'est parce que c'est le début de la... C'est genre le stéréotype qu'on voit dans les films tout le temps. Ah, ben oui, les fous imitent Napoléon. Parce que Napoléon est considéré fou. Ah oui, par qui? Bah oui, par un peu tout le monde. C'est considéré fou et génie en même temps. C'est les deux. C'est Napoléon, quoi. Il était tout petit, pourtant c'était l'empereur de France, quoi. Il y en a pas 10 000 des empereurs. Ouais, mais c'est lui qui a décidé d'être l'empereur de France. En même temps, si c'est pas lui, c'est qui? Hein? Eh bien, c'est justement ça! Oui, mais c'est ça! Mais quand tu dis très petit, c'est son pénis que tu parles. Ah, c'est un peu le tout, à mon avis. Ça, j'en sais rien. Après, mec, c'était il y a 300 ans, j'étais pas là. Ah, et voilà! T'étais supposé être là, hein, ta qualité de français, de français. Non, ben, merci d'être là. Y a pas de quoi, c'est un honneur. Tu trouves ça comment, toi, les métro flirts? T'aimes-tu ça? Ah, moi, je trouve ça très fun. On a notre version aussi chez nous, mais ça. Ouais, c'est sûrement meilleure que la nôtre. C'est vraiment particulièrement. Alors là, c'est magnifique. Je pensais que maintenant avoir un commentaire négatif. À Québec, plus exactement à Montréal, faut le lire au moins une fois. Le métro au moins une fois. Sinon, vous nous écoutez à chaque semaine et puis Fred vous en fait la lecture. Ben ouais, mais des fois il est en retard là. Peut-être que des affaires de là, 3 mois. Là. Ouais, ben là, ça va venir éventuellement. Ouais. 2 mois. 2 mois, t'exagères. Il avance tout le temps. 23 novembre, ça fait 2 mois. Ouais, même 1,5, mettons. Faudra qu'on fasse une émission spéciale pour se rattraper, je pense. Je sais pas compter. va pas bien. Un spécial métro ouais. Flirt, 2 heures. Hey, prêt? J'ai un test pour ouais. PG. Non, non. Écoute, bien joué. Es-tu français ou québécois, ce fromage-là? Ouais, à l'odeur, je dirais que c'est français. Déjà, brebis, c'est venant d'une française, à mon avis, c'est pas québécois, mec. À mon avis. Ça goûte le fromage. Ouais, non, ça, c'est bien français. Mais... Ouais. Ouais. À moins qu'elle ait acheté sur le marché, que ça, c'est un produit importé. Non. Là, je sens la réponse. Ça semble être tout droit de France. On a eu du Calvados de France. Invité. Alors. Invité. Merci à Lucie qui nous offre le fromage et l'alcool ce soir. Sinon, ben, on va poursuivre avec un clip. J'ai mis Some Things Are Just Badass sur ma clé. Sinon, je te laisse choisir. C'est dégueulasse. Ouais, bon, ouais. Ouais, ouais, bah ouais. C'est bonne les chaussettes. Passe-moi ton micro. On va aller écouter un gars que j'adore, Screaming Jay Hawkins avec I Put a Spell on You live. Oh, yeah, that's right. Woo! Coupé! Ah, hey, bravo les gars, vous faites de la bonne job à soir, on le sait. Woo-hoo! Des trips. Merci, Réal. C'est un vampire. You don't have to, but you better. Ah! L'indicatif qu'on vient d'entendre là, magnifique jingle de Guillaume Sigouin, que je remercie à chaque fois que j'entends ça. Cette tune-là, des fois, je l'ai dans la tête. Je me lève le matin, puis je prends la douche, puis là, je chante Radio Cochonnerie, puis je sais pas pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais d'abord souhaiter à tous nos auditeurs chinois et autres un magnifique nouvel an chinois, parce qu'imaginez-vous donc qu'aujourd'hui commence l'année du dragon d'eau. Oh. Donc mettez ça dans votre pipe, les Chinois, voilà. Ils l'ont l'affaire. Là-dessus, j'ai une petite thématique chinoise improvisée. Là. J'ai une chanson de Sam Hui qui s'appelle The Happy Chinese New Year Song. Donc déjà, c'est approprié. C'est tellement... Oui. C'est la toune qu'il faut entendre. Chose assez spéciale aussi, c'est la plus grosse migration d'êtres vivants de toute l'histoire de la planète. Les Chinois qui sont venus ici. Les Chinois pour le nouvel an chinois, là, ils sont à peu près 260 millions à quitter les capitales en train. S'en aller vers les régions pour fêter le nouvel an. Souvent, ça dure, mettons, deux jours de voyage en train. Là, tu passes une soirée avec tes enfants. C'est la soirée dans l'année que t'es voix. Puis tu retournes en deux voyages en train. Mais ça veut pas dire qu'ils ont des petits pénis. Non, non. Même le restaurant chinois, proche de la job, il est fermé pour la période des fêtes chinoises. Fait qu'on peut pas aller chercher de ça pour un ton et des petits sandwichs. Ah là là. Ouais, ça, c'est vraiment tannant. Ça affecte plus de monde qu'on pense. Ah oui, ça, c'est sûr. Le nouvel an chinois. Mais ils sont ouverts à Noël. Que, tu vois, c'est ça. On gagne quelque chose, on perd à l'autre bord. Hein. Ouais. J'avoue. Ouais. Fait que ça, c'est donc Sam Hui qui nous chante ça. Puis je me disais aussi qu'on pourrait peut-être enchaîner avec... Ça me faisait penser à Oliver Onion, là, le band qui faisait les tunes des films de Bud Spencer et Terence Hill. Ouais. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de Oubladi Oublada. Ouais, en même temps. Exactement. Toutes les influences de Sam Hui. Donc là, on écoute ici Peter, Paul and Mary. Oh, Peter, Paul and Mary. It's Peter, Paul. Peter, Paul and Mary. Alors, c'est le Puff the Magic Dragon qui, évidemment, c'est lui, le dragon d'eau de cette année. Voilà. Oh, thématique! Oui. Oh. Ça rapporte. Super la réaction, les boys. On l'a tellement pratiqué, là. Fait que voilà. Mais Puff the Magic Dragon, c'est un dessin animé, ça. Non. C'est des nuages, là. Ça se peut, mais c'est celui de Disney, là, le dragon. Il me semble qu'il y avait un autre nom que Puff. Le dragon Barney. Non, je m'en rappelle plus. Les gars, je vous aime. Tout ça, c'est grâce au pouvoir de. Voilà. Si la Puff, c'est de la Puff de dragon magique. Mais... Ben, c'est ça. C'est hein? Jouer slow en esti. C'est le dragon qui allume la Puff avec son feu. C'est ce qu'on se demande à chaque fois. Ah, mais ça, évidemment. Ouais, c'est assez. Bon, fait que. C'est assez, tu sais. C'était le 45 secondes chinois. Voilà. T'as-tu bravo. Une bonne toune. Félicitations. Bravo. Félicitations. Une bonne toune. Bonne année, les Chinois. Bonne année. Ok, les gars, continuez même ou le rap lancée. Que Kim Jong-il faisait. Il y avait un band de rap, les parents de mourir. Ouais. Bon. J'ai apporté plein d'autres cossins amusants. Pris de mes fonds de tiroir, comme tu disais tantôt. Entre autres, une chanson incroyable. J'ai une thématique ici. Vieux pervers. Donc, on a. Oui, oui. On remercie les Chinois de nous écouter. Oui, c'est ça. Les Chinois, ça n'a plus rapport. Bonne année. Vous pouvez retourner, le fêter. Ah, oh, allez, fêter. dire. Donc on a Guy Cloutier, notre bon ami Guy Cloutier a déjà sorti un album, pas l'album d'un autre, là. Son album Guy Cloutier en tant qu'artiste. Il s'agit de, en fait, de l'histoire de Donna. Et puis ce qu'on va voir, c'est que Guy Cloutier il fait pas grand chose là-dessus. Donc on passe. Donna s'occupe de toi. Donna. Vous connaissez ça évidemment. C'est pas lui qui chante en fait. Là. Jusqu'à maintenant, Guy Cloutier n'a rien fait dans cette chanson. En passant dans votre magasin de disques, vous avez certainement vu la pochette noire et blanche de Donna. Non, c'est pas encore lui. Donna ça. Que chante Richie Valens. Et peut-être que vous n'avez pas eu la curiosité de retourner cette pochette ça, pour lire l'histoire de cette chanson. Non plus. J'ai eu, moi, c'est cette une curiosité. Personne qui n'a pas de nom. J'ai lu l'histoire d'amour la plus bouleversante que je connaisse. Ben c'est l'histoire de Donna. L'histoire de Donna. Donna, une jeune fille qui aimait vraiment et qui a vu mourir sous ses yeux dans un atroce accident d'avion en février 59. Oh, c'est rien, celui en fait. Qu'elle aimait. C'est quelqu'un qui parle. Guy Cloutier vous raconte cette histoire. Et, voilà. Et là, c'est là qui commence. Donna, c'est une jeune fille américaine de 16 ans. Elle pleure lorsqu'elle entend cette chanson. Tabarnak. Hein? Tu vois-tu pourquoi il a arrêté de faire ça et qu'il a décidé de produire d'autres artistes? C'était moyen que pour avoir des plots à fourrer, là. Sais-tu? Je suis. Je savais pas qu'il était chanteur avant Guy Cloutier. Oui, il chante beaucoup toute comme... la journée. Mais d'apprendre qu'il était chanteur avant, ça me surprend pas. Non, en même temps. Hein? Ouais. Mais. Mais il chante pas vraiment. Il parle de jeunes filles de 16 ans. Des millions d'Américains. Oh, oui. Oui. Écoute, les gens n'auront jamais le bonheur en plus. Les avocats viennent de m'appeler, là, ils disent pas ça, Charlie. Je connaissais une fille. On l'aime beaucoup, Guy. Oui, c'est sûr, on l'aime. Il nous a tous laissé des messages, des souvenirs indélébiles. Juste à côté pour que il puisse la lire. C'est pas mal ça. Il raconte l'histoire de Donna tout le long, fait qu'il chante pas finalement. Sinon, après ça, dans ma chronique Vieux pervers, il n'y a pas que Guy Cloutier, il y a également Robert Gillet qui a fait une toune. Ben le petit peu pisse à la jambe. L'animateur de Québec qui nous chante ici sur les routes du Vieux Québec. Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Ouais, un peu. Un paquet de lames de rondoir avec le disque. C'est ça, Vieux pervers, j'aime ça. Ça, puis une balle en arrière. C'est comme chinois. Soleil ben sur les routes du Québec. Oh. Le week-end à la campagne sur les routes du Québec. Ok, tous ensemble. Et pour mieux s'enfuir dans la nature sur les routes du Québec. Caméra 2, caméra 2, plan large. Sur les routes du Québec. Le jour, ils s'en iront tous ensemble. Et je ne parais pas. Et la nuit, ils feront l'amour ensemble. Ça, on les voit là. Les routes du Québec. C'est quoi, ils parlent de l'année Saint-Jean où on a un chapitre d'ailleurs? Exactement, l'année de Cassie. Ah. Devrait faire jouer ça tout le temps là-bas. Ouais, c'est du même. Mais pas toute ton énergie encore, il reste une chronique à faire. Ok, ouais, c'est vrai, merci. Prenez du Captain Morgan. Hey, c'est très bon pour la santé. Arrête pas ça, mon gars, je vais lire. Attends, parce que cette semaine, en fait, j'ai recommencé à écouter beaucoup de films. T'as quoi de ça, t'as des films? Et puis, ben, ouais, parce que j'ai comme trié les 1200 films qu'on avait. Pour finalement, tu sais, des fois, il y a des titres qui s'entrecoupent, on a une meilleure version, je te lis. Non, 1200, mais on tient à préciser que ça, c'est la collection douteuse. Parce qu'on doit être rendu plus que ça, je suis sûr. On a 3000 films digitalisés. J'ai 3000 films chez nous, puis ils sont pas tous digitalisés. On a plus que ça, tu vois. Ah, ben oui. OK, là, les gars, on a plus. De la réserve que là, on a, et puis, ben là, en faisant ça, en remettant notre banque de données à jour. Ben moi, je me ramasse à n'écouter pas mal, à faire le tour, et puis... Alors, reprends ton intro, mais 10 000, ça va être impressionnant. Je me suis dit... On rappelle qu'on a un réalisateur invité. On est rendu à 14 000. Faut donner un show, là. Combien que t'en as-tu? Et puis, ben, en écoutant ça, moi, j'écris tout le temps une petite description du film en question, et il y en a une que... suis très content d'avoir écouté le dit film. Puis là, je me suis dit, je vais partager ça avec vous autres. Mais en fait, ça va être toi qui va la lire, tiens, PJ. Mmh. Lis ça, les trois mousquetaires. Three Musketeers, c'est un film de 2011. Oublie pas ton accent. Je vais donner un moins. Oublie pas l'accent. T'as bien senti. Ouais, l'accent français appuyé, c'est ça. C'est... Non, l'accent d'Angoulême. Three Musketeers. Yeah, un film de Diaz et Lom. L'histoire est très compliquée. Une fille qui se nomme Alexandra D'Artagnan est recrutée par l'équipe la plus secrète, composée des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Oublie des pas tes virgules, oublie pas tes virgules. Les Musketeers. Comment en français? C'est à peu près ça. C'est les Mousquetaires en français, exactement. Ça adonne hachement. Ça adonne vachement. C'est bon ça. Bien qu'elle porte justement le nom du Mousquetaire qui n'en était pas un. Oui, et qu'elle joint les rangs d'une équipe composée de John Athos, Jean-Claude Porthos et Lucie Aramis. Ben ouais. Imagine comment ça se passe. En fait, les probabilités sont à proprement dit quantiques. Le plan du méchant, qui est un traître de la CIA, est de provoquer l'assassinat du président par un nord-coréen fantoche et ainsi une raison pour que ça soit personnel et tout se prenne au sérieux. Ah bon? Et disent des mots comme Intel, Agenda, Cover OP, voyez le genre. Covert up. Ouais, c'est covert up. Alors, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs, c'est covert up. Covert up. Enfin bon. Ils font tellement des covert operations, eux autres, qui ont décidé de prononcer. Fais ça, ça va plus vite et on sauve du temps. 6-2.00. All for one, one for all. Ah ouais, ils disent puis souvent. Belle fusillade. Ah ouais, ça avec c'est la. Puis des explosions. C'est la séquence découpée parce que des fois, quand il y a un moment qui fait. Avec un qui te sort. Dans le film, là, ils te sortent vraiment le. Tous pour un et un pour tous. Il y a des cadavres qui suintent partout. Voyons, tabarnak. Ils sont bien occupés, les huit mousquetaires. Ah, ben, c'est les mousquetaires, hein. The Musketeers. The Musketeers. Et puis, ben, sinon, j'ai peut-être un petit texte avant d'aller en clip parce que. Parce que j'aimerais prendre quelques instants pour mettre une affaire au clair. Ça m'est revenu encore cette semaine. Et je sais que depuis que le mouvement s'est manifesté, que cette dernière étape est la plus difficile à concevoir et la plus importante du processus que l'on vous propose ici. Regarde la caméra. À douteux.org. Regarde la caméra. Tommy. Je me doute depuis longtemps. Je me doute depuis longtemps que ça ne sera plus ce sera notre plus grosse idée à faire passer. Et comme la vague de fond est prise pas mal solide, je me permets de rectifier le tir et vous avertis que je vais le refaire encore dans l'avenir. C'est bon, ce que ça, je vais faire. Personnel, là. Le spectateur, c'est en lien avec une question que je me fais poser souvent. Est-ce que ce film-là, il est douteux? Là, le monde, ils viennent me demander ça. T'sais. Ce à quoi je réponds presque tout le temps, une des quatre affaires qui sont mes formules secrètes, qui ne seront plus bientôt. Un, quand quelqu'un me demande est-ce que ce film-là est douteux, je dis un, mon opinion n'est pas meilleure que celle de personne. Si je dis qu'une affaire est douteuse, l'opinion de quelqu'un d'autre qui dit qu'il n'y a aucune question à se poser en lien avec cette œuvre-là est aussi valable. Mon seul privilège dans cet exercice, c'est que j'ai l'honneur de lire un texte d'opinion devant plein de personnes à chaque semaine et que j'ai beaucoup vu de films. C'est crissement vrai, ça. Sans plus, ouais. C'est bien dit, c'est bien dit. T'sais, j'aime ça, moi aussi, le monde qui débatte le fait qu'il n'y a aucune question à se poser à propos d'une œuvre. C'est fini. Ouais. C'est casé. C'est comme, mettons, le monochrome noir. C'est noir. L'abîme insondable du Me, Myself and I. C'est moi. Deux! Des fois, je réponds, tout est douteux sorti de son contexte. Parce que là, la personne, elle me parle pas du film. Je sais pas c'est quoi, avec qui tu l'as vu. Pourquoi regarde la caméra, regarde la caméra. Le doute, en troisième, le doute rend humble, le doute rend vivant. Le doute est une opinion offerte à l'évolution et à l'amélioration. Le doute est l'attitude à adopter vis-à-vis à peu près tout. Je dis pas qu'il faut jamais rien faire parce qu'on est occupé à douter. Je dis que tout ce qu'on fait peut être amélioré. En conséquence, vaut mieux commencer puis réajuster le tir que rien faire. Sauf peut-être dans le cas des génocides. Là. On devrait généralement rien faire, mais en même temps. Puis des viols d'enfants, les viols d'enfants. Ouais, c'est ça, je mettais dans la catégorie génocide. Là, parce qu'assassiner en même temps, un viol, c'est pas mal, c'est pas cool. Pas ça reste dans la famille. Ça dépend. Ça reste de Jake. Ça dépend, ça dépend. Ouais, ils font ça dans l'Ouest profond. Je trouve que tu généralises pas mal, Tommy. Comme si toutes les viols étaient nécessairement pareils. Ouais, c'est ça. On met tout ça dans le même panier. Ben, c'est une de mes quatre réponses. Sinon, quatre. J'aime bien gros le, quand quelqu'un me demande est-ce que ce film-là est douteux. Quand tu me demandes si ce film-là provoque des questions, est-ce que t'es en train de me poser des questions à propos du film? Parce que là, c'est un loop spécial. Ouais, c'est quand même... En conséquence, et depuis toujours et au cœur de toutes les motivations de la majorité des bénévoles importants de douteux.org, on ne fait pas le culte de la médiocrité, on est un organisme à but non lucratif voué à la variété culturelle qu'on fait vivre en archivant beaucoup et en diffusant ce que les membres considèrent comme différent. Puis si vous êtes pas content avec notre définition de différence, ben moi je suis content d'en parler. De c'est ça. Pas laid, c'est esthétiquement différent. Et c'est voilà, ça. Et voilà, exactement. Notre mandat est la variété et pas le dénigrement. En gros, ça traîne autour de ça. Voilà. Mais l'ai encore fait à demander plein de fois cette semaine. Ça arrive souvent. Hein. Hey, ce film-là, ben là, ça c'est pas douteux. Ben. Ça dépend, okay. de toi, ouais. Ben ouais, ben ça veut dire que tu l'as vu ou que t'es barré, là. C'est à l'aise, t'sais. Même le parrain, on peut-tu se poser des questions sur des séquences? Ça a l'air qu'il y a du monde qui ont aimé ça, le pick-up chanté par Joël Legendre. Ah ouais. J'aimerais ça lui parler. Ben tu vois ça, ça provoque des questions. Ouais, c'est ça. Dénoncer un de vos proches, il y a une adresse qui apparaît en bas. Si vous connaissez, parce qu'on sait que c'est pas vous, quelqu'un qui aime le pick-up avec... Ouais, ouais. Avec envoyez-nous de quoi là-dessus. Bon. Sur ça, on va aller voir Some Things Are Just Badass, puis après ça, ça va être Boudreau. Hein, sûrement. Il est en feu, le Boudreau. Oh, ouais. Ah, il dit que c'est assez. Là. Il y a des affaires. La télé des délaissés avec un vampire. Là, les gars, ça s'en va n'importe où. Ah, là. Merde. Vous êtes plus... Moi, ça recentrer un peu. Oh, B avec un O, c'est un D avec un Rho. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez Boudreaux. Et voilà, merci. Mathieu Boudreaux à la tuque. Caméra 2. Et voilà, salut toi à la maison et toi autour de la table. Nous autres, on est là pour toi. Salut toi. Ben, très content qu'ils sortent de chez vous pour venir nous parler. Hein. Ça, c'est le fun en maudit. Hein. Tu sais qu'on apprend tous les jours. Moi, c'est des grosses prises de conscience à tous les instants de mon existence. Puis, justement, non, mais l'autre c'est vrai. Fois, je montais des marches. Puis, j'étais là, Caroline, mon pied touche à la marche, mon autre pied à l'autre marche. Chris, c'est malade. Tu sais, la technologie, hein, les souliers, l'escalier, tout ça. Tu sais, c'est moderne. Là, ouais. Fait que cette semaine, mon fils t'a fait un dessin encore. Hein. Je sais pas si tu peux le voir à la maison, là. Ah, monsieur le réalisateur. Il y a comme quelqu'un qui est en train d'absorber plein de jello de toutes les parts de son corps. On a manqué la troisième balle. Je sais pas, on écoute beaucoup Canal D ces temps-ci, moi, de mon fils. Ça parle c'est de quoi, ça. Du Rwanda, là, 15 ans? C'est des affaires de tout. Il va bien, ton fils? Il va très, très bien, ouais, là. Wow, wow. C'est Mathieu. Il va super bien, il s'appelle Mathieu. D'habitude, on est mieux de pas trop en parler, ça crée des malaises. Souvent. Mais je te dirais juste que... Mais cette semaine, justement, cette semaine, moi j'ai vu quelque chose, je voulais t'en parler. Y a rien de plus beau qu'un regard d'enfant. Tu sais, là... Non, mais quand tu y penses, l'enfant, tu sais, il est là à travers les barreaux de sa cage, puis il te regarde. Quelque part, il est sincère, tu sais. Les mains bien crispées, puis qu'il te regarde avec les yeux pleins d'eau. T'es con. Moi, je viens... C'est vrai. Devrais faire des muffins t'sais. À ça, je suis sûr que ça goûterait bon. Sûrement. Des muffins sûrement, au des regard muffins. D'enfant. Là, ça. Moi, je pense que oui. Mais... bon, Salut, papa. Ben, il écoute-tu le show, pour vrai? Ben ouais, il écoute ça, il aime ça au bout. Il connaît pas vraiment ça Internet, là, mais j'y ai donné le lien. Ça lui rappelle-tu les quand il s'en blague? Ça lui rappelle des bons souvenirs, là. C'est-tu la même cage que tu utilises? C'est la même cage. De père en fils. Puis à un moment donné, tu vas comme donner ça. Ce cage-là à ton fils. Et voilà, puis mon fils va réaliser aussi le grand rêve de notre famille, hein, qui est de produire un tueur. Non, mais c'est ça, ben je vais te le dis, tu sais. C'est pas mal au moins. Le père, le fils, le tout. Le Saint-Esprit. Moi, je suis le souffle de Dieu. Moi, je suis comme le Saint-Esprit, si tu veux, le Père. Le Père m'a tout appris, hein. Puis moi, je suis comme le souffle qui va investir le Fils, tu comprends, de sa mission sacrée. Ben, c'est une manière de voir la religion chrétienne. Là. Écoute, c'est ton problème. Moi, je te suis, man. La religion chrétienne, j'ai un problème. Ah, moi aussi. Moi aussi, pas mal. Je suis pas sûr que je parlerais de Saint-Esprit dans cette chronique-là, mais en tout cas. On peut parler de Saint puis d'Esprit, mais pas vraiment. On va enchaîner, je pense. Fait que, ben, moi, cette semaine. Moi, je vais toujours au bar tout seul. Hein. En partant, là, je vais tout le temps tout seul là, surtout les premières fois que j'y vais, question de pas mettre trop de monde dans le trouble, tu sais. C'est comme ça. Fait que le mercredi passé, ben, j'étais dans une taverne sur Saint-Denis, là, la célèbre taverne Chérier, je sais pas si tu sais c'est où. Chérier, hein, ouais. À côté du non moins célèbre dépanneur Kim Saint-Denis. Hein? Exactement. Le seul dépanneur qui, en passant, hein, dans le secteur, a fermé plus tard que 11h. Hein? Fait qu'on peut aussi dire bravo, là, c'est vraiment excellent. En passant, si tu veux de la bière après 11h, tu sais, achète-toi-en avant. Hein? On est au Québec. Non, mais on est au Québec, c'est esti, tu sais. C'est comme ça. Ou fais comme moi, vole chez Kim. Tu sais. En même temps, c'est plate parce que voler chez Kim, c'est un peu synonyme de se faire prendre. T'sais, je ne sais pas, moi, tes races-là sont bons avec la technologie. Là, on a une vidéo d'ailleurs. T'sais, les amendés. Là. Fait que, mais je croyais pas, moi. Quand les portes se sont fermées, OK, puis que le rack à gomme s'est transformé en espèce de console de gération de poste de sécurité, moi, je suis venu fou. Là, il y avait. Attends, regarde. 27 caméras reliées à une maison mère qui transfèrent l'information en direct à une centrale remplie de mercenaires triés sur le volet, armés jusqu'aux dents, prêts à venir te sortir à grands coups de bazooka. Tu sais quoi le truc? Chris Man, tu rhymes? Ouais, j'ai déjà fait du. hip-hop dans une autre vie. C'était fort, ouais. Je m'appelais B. B-Draw. B-Draw. Yo, bitches. OK, le truc pour t'en sortir, une armure plus 20 résistance au choc. Et voilà. C'est comme ça. C'est pas facile à se procurer quand même. C'est pas très facile à se procurer, mais il y a une petite boutique, il y a un vieillard, là, puis si tu fais exploser une caverne pour aller chercher une caverne. C'est une longue histoire. C'est ça, c'est assez long. Là. Tu joueras à Fallout si tu veux le savoir. Bon, bon, puis se faire prendre. Non, mais ça va n'importe où, là. Se faire prendre. Personne d'abord. OK, non, c'est vrai, excuse-moi. Se faire prendre, c'est aussi synonyme d'aller en prison, hein? 3 jours en garde à vue, logé, nourri, battu, hein? La bonne vieille routine. Tu sais, quand ta fin de semaine. Ça, en arrière de Barreau, ça te rappelle ton enfance? Ben, un peu aussi. Je te cacherai pas. Je te cacherai pas que moi, un Barreau, je trouve ça quelque part, je trouve c'est comme chez nous, tu sais. Quand ta fin de semaine, c'est un mix entre la ligne verte pis le party, hein? Ça fait des grosses. Ouais, ça, ceci étant dit, je te cacherai pas qu'avant de te raconter tout ça, j'étais quand même sur le point de te parler de ce qui s'est passé à la taverne Chérier. Oui, oui, c'est vrai. Hein. Il y a un gars habillé dans un certain style, puis je pourrais pas vraiment te dire s'il y avait un nom, mais il s'est approché à ma table. Là, il a toussé, comme tantôt on a entendu, il a fait comme une espèce de. C'était tout petit. Il a besoin de toi, qu'il disait. Là. Puis là, il m'a laissé une petite carte. Il a mis une petite carte. Fait que là, j'ai pris la carte. J'ai lu, c'était écrit. C'était-tu un toussage genre à la Claude Poirier qui venait tenir une caisse de cigares avec les motards? Non, non, c'était plutôt un petit tousse d'enfant sur le bord de mourir étranglé. Oh, c'est pas pareil, pantoute. Non. Non, non, c'est pas, non, non, c'est pas le même genre. Faut pas confondre. Ça va durer 20 minutes. C'était écrit, OK? Sa petite carte, c'était écrit « Bonjour, je m'appelle Douglas, je suis sourd et muet et je vends des crayons. » Mais tu sais, moi, je suis un professionnel. Là. J'ai vu tout de suite son affaire, fait que j'y ai pris 10 buvards, des speed pis ben du pot. Tu sais, tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait, parce que moi, j'aime ça fumer du pot quand je prends de la drogue. Tu comprends? Ouais. Non, non, mais c'est important. Fait que là, tu commences tranquillement, tu sais. Tu commences tranquillement. 2 buvards, un speed, un joint, pis tu cales ça avec de la bière, tu sais. Pis là, t'attends, tu sais. Tu parles pas un esti de mot, tu sais. C'est le buzz que t'attends, tu sais. T'as pas de buzz, t'as pas de fun, tu sais. T'attends. T'sais, une demi-heure, rien, tu prends pas de chance. 2 autres buvards, un speed, puis tu fumes un bat, t'sais, pour le cardio. T'sais, pour t'entretenir la vitesse des battements. T'sais, parce que tu le sais, plus ton cœur bat vite, plus le sang circule, puis plus le sang circule quelque part, plus tu vas être gelé. T'sais, tu veux être gelé, là. Là, t'es dans une petite soirée, là. Sinon, il est trop tard. Non, non, moi, c'est des journées de semaine bien normales, oh, okay, ça. Ben, je suis correct. Non, mais je te raconte un fait vécu. Moi, le monde dit que je chiale pour rien, hein. Mais je suis de même, moi, je suis impatient. Ça faisait 4 heures, j'étais là. J'avais pris 8 buvards, 4 speed, puis j'étais en train de fumer un bat avec un calinours. Un esti de gros calinours qui me garochait de l'amour dans la face, puis moi, je gueulais. Il est où l'enfant de chienne qui m'a vendu de la merde? M'a fessé tellement fort qu'il va retrouver la parole juste pour me dire d'arrêter de faire mal. M'a écrissé de la boîte dans les yeux, puis je vais lui faire à croire qu'il a retrouvé la vue, là. Tu sais, il m'a un délire, là, tu sais. Fait que là, en plein milieu de ce délire mystique-là, je me suis dit. Ben voyons, bébé Condor il t'a rien fait, pis maman oiseau non plus. C'est la chose à se dire. Quelque part, tu sais, t'es peut-être gelé, tu sais, je veux dire, tu marches dans les sons. Pis là, tout est devenu tranquille. J'ai arrêté de ressentir de la colère. Fait que l'amour du Calinours, c'était finalement. En quelque part, le Calinours, il a fait la job solide, là, tu sais. Bon, chialer pour rien. Hein? C'est ça pareil, tu sais. Ouais. En même temps, je me disais bien qu'un handicapé, là, ça vendrait pas de la merde, là, tu sais. Ils ont de quoi avec les médicaments, là, les mal fabriqués. Tu sais, non, non, mais je veux dire, c'est comme des cobayes naturels, tu sais. Non, mais. Tu sais, anyway, la moitié est déjà scrap, tu sais, ça change pas grand-chose. Tu scrapes l'autre moitié, tu sais, ou un tiers, je veux dire, regarde. Ah oui, c'est... Ouais, ouais. Quelque part, c'est se rendre utile, tu sais, faire sa part, c'est important, tu sais, en tout cas. Fait que là, après ça, on a eu du fun. On a eu vraiment du fun, là, quand... moi, j'ai fait un concours de calage avec le Calinours. Déjà, hein? J'ai battu à mort un homosexuel dans les toilettes. Ah, c'est toujours du bien, ça. Hein? Puis, merci, merci, merci. Bravo. Mon producteur, il est bien content, là. Il me fait dire qu'il est bien content. Le bout un peu plus trash, mais le fun pareil, gars, j'ai vomi sur la pute qui me suçait dans les toilettes. Aussi, je dois t'avouer que c'était la plus belle soirée que j'ai vécue depuis longtemps. Ça, c'est... Penses-tu que c'est dû à la drogue ou serais-tu capable de revivre ça moi, sans la drogue? Moi, je pense pas où j'ai vécu les affaires à jeun. Là. Écoute, je te le conterais. Tu dirais, Mathieu, t'inventes des choses. Puis je dirais non. Non. Fait que quand le doorman m'a sorti, quand le doorman m'a sorti, écoute, j'ai chié dans mon pantalon puis je suis tombé endormi en plein milieu de la rue. Carré de même, paf! Boy, l'hiver devait pas faire chaud. Mais c'est l'envie de fumer une top qui m'a réveillé. La cigarette sauve des vies. C'est pour te dire comment c'est puissant, les dépendances. Fouille dans mes poches, pas de paquet, mais je me retourne de bord. J'en ai des tops! Kim Saint-Denis. Hein? Ouvert. Miracle. Toujours à la rescousse. Mais là, écoute, j'aurais dû m'écouter. Un paquet de cigarettes, rien d'autre. Ben non, asti, faut tout le temps que j'exagère. Fait que là, hein, voler un œuf, c'est comme voler un bœuf. Bon, ben, voler une bière chez Kim, c'est souvent réveiller des mercenaires. Bon, OK, cette blague-là était très, très drôle. C'est juste mais, moi qui le vois. Il y a un malaise. Là, c'est drôle. Regarde la caméra, monsieur Bob. Wow, c'est beau. OK, ben, ben là, je peux-tu te faire mes quatre autres lignes, mais après ça, je crisse mon camp? Ben non, tu crisses pas ton camp, mais tu fais tes quatre autres lignes. OK, regarde, écoute ça. Là, j'ai plus de vie, hein. Là, les mercenaires, ils me cherchent. Faut que je me cache. C'est plus vivable. Je suis certain que le Kalinour, c'est un agent double. À toi de l'amour, mais ben non, mais c'est ça, ils sont tous de même. Mais ça te lance de l'amour, là, pis toi, tu penses que ça te juge pas, pis paf, ça te vend pour un char en nuage de l'année, esti. Des mags arc-en-ciel pis 400 licornes vapeur, c'est de l'hostie de merde, OK? Bon, en finissant, être dans ma tête, ça fait des hosties de grosses semaines, fait que je suis tanné. Ben oui, mais t'étais plus tout seul, là. Il avait l'air d'avoir pas mal de monde. Merci bien gros, Mathieu. Mais ça me fait plaisir. T'avais-tu une grosse nouvelle du journal? Ben moi, je veux juste... Merci, merci. Je veux juste attirer ton attention sur cette nouvelle-là. Ça dit... santé. Porter des... Ça, OK, c'est la catégorie « On est des hosties de lemming », OK? On est des lemmings. Tu sais, c'est quoi un lemming? C'est une espèce de petit, un cousin là, d'un écureuil, là, puis ils se garochent dans les trous tout on ensemble. Dit c'est cute quand c'est jeune, mais ouais, c'est on ça. Le flush quand c'est vieux. C'est ça, exactement. Regarde, porter des écouteurs en marchant peut causer la mort. Ouais. Ah, pas de bol. Ouais. Voilà. Quoi d'autre qui peut causer la mort? On est tous des hosties de lemming. Regarde, écoute ça. Si t'as pas compris ça, tu sais, sans avoir lu l'article, là, tu peux quand même très bien dormir. Puis, il est écrit... Est-ce que tu penses que c'est plus dangereux que la drogue? Ah oh non, je pense que c'est différent comme danger. Ouais. Parce qu'on sait tous que aussi manger des hamburgers ne cause pas nécessairement la mort. Ben aussi, hein. Pas nécessairement. Ça, c'est... Non, la malbouffe dans les écoles. Si je l'aime, cet adverbe-là, nécessairement. Et voilà. Non, je pense que c'est plus préférés. Manger un hamburger ne te donne pas une gueule de champion. Et voilà. Hey, ben merci, mais gros. Et voilà. Merci. Oubliez pas, hein, mangez pas de salade chez McDo, ça sert à rien. C'est quand même du McDo. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Ça veut dire en revenant, ça va être du métro flirt, j'ai l'impression. Ben non, non, on a fini avec ça. Ah oui. Moi, j'ai un dossier chaud, là. Le on a fini ça. Avec le métro flirt. Bah ben oui, là, il y a une limite à tout. On en a lu trois. Je vais apprendre à mal jouer au golf. Bon, ben, fait que c'est quoi? On met un clip, puis après ça, c'est toi. C'est ça. C'est prêt, je mets un clip, vas-y. Prêt, je mets une surprise. On revient après à 70%. L'autre jour, j'ai pris de la drague. Le lendemain, j'en reprenais. Petit à petit, sans m'en apercevoir, je devenais dragué. Les gens ne m'aimaient plus pour ce que j'étais, mais pour ma personnalité, ces choses-là. Ils me disaient, « Mon Dieu, Ringo, on ne te connaît plus. Comme tu es spirituel, arrête, tu me fais rire, ces choses-là. » Puis un matin, je me suis levé. Je me suis regardé dans le miroir. Et là, j'ai réalisé qu'on n'a pas nécessairement besoin de drogue pour faire un bad trip. Puis j'ai senti comme... mon cerveau réfléchir en dedans. Ça m'a fait peur. Et c'est alors que j'ai dit à la drague, écoute cette chanson. L'autre jour, j'ai pris de la drague. Ah non, vraiment, je n'étais pas très sobre. Et quand je prends cette fameuse drague, je ne me reconnais plus. Je mélange toutes les choses, le vert, le brun, le gris, le rose. Ne me demandez pas mon nom, je ne m'en rappelle plus. de gaga. Oui, oui, oui, de gaga. Non, non, non, de gaga. Pourquoi se droguer? Pourquoi se droguer? Yeah! Drogue, drogue, ma en sort le soleil. Du paradis, je possédais la clé. Mais la serrure n'a pas frité. J'étais embarré. Je ne m'acceptais pas tel que j'étais. Dans le miroir, je me trouvais laid. Hey! Maintenant, tout ça, c'est du passé. Par hasard, vous la saluerez de ma part. Contre la drogue, j'ai gagné le combat. Elle ne pullule plus en moi. Drogue, oui, oui, oui, drogue. Non, non, non, drogue. Pourquoi se droguer? Pourquoi se droguer? Yeah, drogue. No, no, no. The gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the gag, the Placer les Pokémon, t'es con. Oh! Oh! Et maintenant, on a le setting idéal. Julien Bernatché qui vient de venir nous rejoindre. Action! Julien Bernatché à 70%. Mais ça veut pas dire qu'on va commencer par toi. Hein. On veut que tu te réchauffes tranquillement. Moi, on me dit rien, moi. Je sais pas. On est rendu, en fait, il y a Fred qui a une carte postale à montrer qui nous a été envoyée de Valence. Et c'est quoi qui est écrit en arrière? On s'en valance. C'est écrit à l'arrière. Veux-tu la tourner? Comme ça, on va toutes la lire en même temps. On n'aura pas à lui dire. Bon, ça serait mieux qu'elle lit, je pense. C'est beau, Fred. Après ça, tu la déposes en avant d'Histoire de filles. Ouais. Tous les lundis, à minuit, j'écoute 70% depuis l'Élysée, signé Nicolas Sarkozy. Oh. Donc, il nous écoute. Et c'est indiqué Bise Lucie, donc ça va bien. Bon, pour moi, c'est sa maîtresse. Parce que depuis, c'est le fun de M. Sarkozy. Depuis qu'il est plus avec Carla, il y a beaucoup de temps libre, Nico. Hein? Ouais, c'est ça. Il a appelé une couple de fois l'autre jour pour essayer de spotter une entrevue. Là. Ouais. Avoir une élection bientôt. Il veut gagner une cote avec son public étranger. Ouais. Hey, là-dessus, Fred, toi, tu nous as préparé un dossier sur ton. Un excellent livre, c'est Leslie Nielsen, alias L'agent fait la farce. Ouais. Ouais, tel que trouvé. Et Monsieur Magou. Ouais, donc il y a une panoplie de livres. Hein. Moi j'en ai personnellement donc des livres. Caméra 2! Caméra 2, s'il vous plaît. Bon voilà. Wow. Donc des livres qui nous apprennent à jouer au golf. Donc Leslie va d'un caméra effort qui nous apprend à mal jouer au golf. Donc Bad Golf My Way. Okay. On va pouvoir savoir comment jouer pareil comme Leslie Nielsen. Le golf. C'est un dindon de la farce de provoquer le rire. Ouais, j'imagine. Si on regarde juste la photo à l'arrière, on voit qu'il se contorsionne lors d'un élan. Le golf étant un jeu d'erreurs, il est très difficile à maîtriser et à perfectionner. Donc, tu sais, les livres, souvent, ils nous disent jouer en bas de 100, jouer en bas de 90. Wow. Tu sais, quand t'es rendu que ton but, c'est de jouer en bas de 100, pourquoi pas jouer 183, genre, tu sais? C'est fait que. On peut le dire à personne. Toi, tu veux dire viser un chiffre en particulier? Ben non, juste comme pas s'en faire, puis avoir du fun, tu sais, puis vraiment, tu sais, jouer comme on joue, tu sais. Fait que c'est vraiment un livre technique qui nous rappelle que le sport, c'est beau? Ben, c'est un livre qui nous apprend à mal jouer au golf, point. Le titre l'indique, Bad Golf My Way. Donc, ça commence avec un peu le côté psychologique du golf. Zoom in, s'il vous plaît. Hey, donc, moi qui donne les directions. Enfin, on peut voir le site. On n'aura pas besoin de producteur pour ça. On apprend en fait que ici, dans le lobe frontal, se situe la recette pour le poulet grillé. Et il y a de sa face de content. Tout juste à l'arrière, on a l'anxiété. Ah. Et le doute, qui est juste ici. Donc, on ne savait pas ça. Hein? On trouve le doute maintenant. Ça, c'est des humoristes, le doute puis l'anxiété. Sur le golf. Le doute se trouve au sommet quand même. Hein? Ouais, au sommet de la tête. Juste ici. Juste à côté, en fait, on a regardé les images, un bois typique, puis un fer typique, puis ça nous indique quel bruit ça fait quand on frappe avec. OK, ça fait ting. Donc, on voit ici, quand tu le frappes trop haut, ça fait couef. Ici, ça fait fez, snack, fête, felk. Puis avec un fer, ça fait sliff quand tu manques ta shot, clank, tang, glong, frang ou fang. C'est quand tu pognes trop proche. C'est subtil quand même, les c'est différences. C'est donc bien utile, ça! Puis comme je disais, le golf, c'est un sport d'erreur qui c'est très difficile à maîtriser. Donc on voit ici où se situe le sweet spot. C'est-à-dire l'endroit idéal où frapper la balle. Donc ici, on a un gros plan avec un microscope à électrons, donc d'un fer 6. C'est vraiment à cet endroit qu'il faut frapper la balle. Super, caméra 2, super. C'est con. On retourne sa caméra 1. Hey, ça va bon, Village des Valeurs, il y a des gros arrivages. Moi, j'aime bien ici parce que, tu sais, le coup le plus difficile au golf, c'est probablement le coup de départ. Donc lorsqu'on frappe avec le gros bois, puis ici, on a en 12 photos, pas nécessairement dans l'ordre chronologique, mais le swing qui nous apprend. Pas nécessairement dans... Ça sert à rien. On nous apprend à faire un coup de départ aussi. Ouais, ben à ne pas faire un coup de départ. À mal le faire. Ouais, mal le faire. À mal faire un coup de départ. Donc voilà. Bravo à l'essuyer. Ça prend des couilles pareil. Puis c'est la première ça, fois qu'il y a une des erreurs les plus chroniques chez le débutant, on le sait, ben ou on le sait pas, mais c'est le fade, c'est la slice, comme on appelle en bon français. Ouais. Je vais avoir besoin d'un autre zoom-in ici, zoom. Parce qu'en fait, il nous indique tous les types, zoom, les types zoom, de balles. Zoom. Donc voilà, ici, on a donc l'erreur typique, donc vers la droite, on a soit le fade, le push, le wipe, le leaker, le cut shot, le toad ball, le banana, le classic shot. Slice ou le shank. Shank! Puis il indique en bas de la photo que le crochet est illustré à titre indicatif seulement. Donc voilà. What? Oh, tout va bien. La DA. C'est que ça va mal. Bon. Fait que là, on est encore au début, en fait. Ici, il nous explique comment faire un bon échauffement, donc le warm-up. Donc, ça, c'est pour se pratiquer à se préparer, à aller chercher les balles qui sont difficiles, qui sont perdues, qui sont hors d'atteinte. Parce que c'est un sport, le gars. Parce qu'il faut se préparer à ça. Se pratiquer à se pencher pour aller chercher la balle. Il y a aussi kicker la balle, donc faut s'échauffer à kicker la balle et aussi à la lancer, donc dans des élans de frustration. C'est important de bien s'échauffer pour ça, parce que on y revient toujours, le golf est un sport frustrant. Ben, un sport, en tout cas. Un jeu d'adresse. On a un coup ici qui est difficile à maîtriser, mais qui peut nous sortir d'embarras. C'est le coup qui va faire des ricochets sur l'eau, donc et au lieu de shooter ça dans l'eau, ben tu fais comme quand tu pitches des rushs, tu fais un cochon. Tu peux atteindre le green en deux dans ce cas-là. Pour être pas bon, je pense. Puis il dit ici que même si ta balle est dans l'eau, c'est pas la fin du monde. Oui, habituellement, t'es supposé avoir un coup de pénalité quand ta balle va dans l'eau, mais ici, il démontre que la balle est tout à fait jouable parce qu'elle flotte. Puis si jamais elle est trop loin, ben, on peut y aller avec une espèce de qu'est-ce qui est à notre portée pour justement aller frapper la balle justement avec un bâton télescopique. Donc, voilà. Tu vas jouer avec O.J. Simpson à un moment donné? J'aurais aimé ça avoir une game avec Bob Barker. Ça aurait été pas pire. Puis ici, donc tout n'est pas perdu si la balle est perdue dans un condo. Elle est toujours jouable. Donc on peut se sortir de ça toute être situation. Ça doit être de voir Leslie Nielsen avec un bâton de golf qui rentre chez vous. J'aimerais ça. Ça doit être stressant un peu quand même. Donc il dit qu'il y a quand même le terrain qui est difficile parce que c'est du tapis. Donc c'est un peu comme... c'est pas de l'herbe longue, mais presque. C'est comme du rough, on peut dire. C'est comme du rough. Donc... Ouais, au golf, il y a le Mulligan. Donc lui, c'est un grand... Il prône beaucoup le Mulligan. Le Mulligan, c'est quand tu manques ta shot, tu peux recommencer. Mais ça, c'est un peu une loi non écrite. Tu peux jouer avec ça, tu peux ne pas jouer avec ça. Mais quand t'es dans le chum, tu peux faire le Mulligan. Ça ici, c'est le gimme. Donc c'est un peu comme le Mulligan, sauf que quand t'es vraiment proche du trou, tu peux juste faire comme ce qu'ils appellent un gimme. Donc c'est comme si t'avais calé le roulé. Mais ici, lui, il y a une technique pour faire en sorte que la balle soit vraiment proche du trou. Il va avec cet angle d'observation et ça fait en sorte que la balle est proche du trou. Exactement. Donc c'est un gimme de 20 pieds. C'est des bons trucs. Ben oui, c'est très fort. Puis il y a quand même pas mal de pages. Puis c'est écrit. Ben oui, hein. Il y a des écritures. On a vu toutes les photos, là. C'est un livre qui contient du texte, ça. Ça doit être du dossier solide. Puis vers la fin, justement, pour aller chercher un edge sur ses adversaires, c'est dans le chapitre Playing to Win. Donc même si c'est Bad Golf My Way, il nous explique comment essayer de gagner même si on joue mal. Donc ici, il y a la technique d'essayer de détacher ses gants de velcro, donc pendant que l'autre pote. Ah. Puis la bonne façon, la façon optimale, c'est vraiment d'y aller lentement, donc pour que ça fasse... Une autre façon, c'est pendant que l'adversaire pote, c'est de lancer une balle de toutes ses forces à ses pieds en criant « fort », puis par la suite, en faisant exprès qu'on sait pas d'où qu'elle vient, puis en se protégeant. Donc. C'est con! Ah, il y a certainement moyen de gagner avec ça. Ouais, aux abris. Oh, je suis en train de perdre mon signet. J'ai trouvé un signet de Chewbacca dans un livre de Star Wars que j'ai réacheté. Donc... Juste le signet, moi je trouvais qu'il valait une pièce, donc le prix du livre. Ouais, j'avoue. Voilà. Ouais, il venait avec le livre, il était dedans. Fait que, je l'ai pas dit à personne. C'est Star Wars en arrière. Puis le dernier chapitre qui est consacré vraiment à venter sa frustration parce que ça s'appelle Behaving Well While Playing Badly. Donc ce qui est pas facile, ça demande un contrôle de soi hors du commun. Comme Zidane, mettons. Là. Puis Chara, là, puis... Voilà. Ouais, t'as vraiment les deux meilleurs exemples. Ouais, donc, ça, c'est important d'être humble dans la victoire, mais aussi d'être un bon mauvais perdant. Donc, tu peux toujours tiper le monde, ceux qui scorent les games. En tout cas, y'a-tu pas... C'est ça. T'as-tu une note sur le livre? Ouais. Sur 14, maintenant? Non, moi, j'y donne 8 sur 10. Ah ouais? Ouais. Ça fait je sais quoi, pas pourquoi... C'est, je trouve que c'est une bonne note. Hein. 540, ouais, ouais. Ouais. C'est 11.2 sur 14. Ouais, 140. Moi, je fais un calcul mental. Merci, Fred. Merci. Très assistif. Merci, merci. Je vais le lire, puis la semaine prochaine, je vous reviens avec ma critique. Tu nous diras s'ils ont fait le bon livre par rapport au film, là, ouais. Si le livre a de l'allure. Là. Ailleurs, on continue à 70% avec notre ami Étienne Forêt, qui va nous parler un petit peu des chansons qu'il est en train de faire. Des chansons, j'ai apporté des pochettes aujourd'hui. Ah oui, j'aime ça. Des pochettes. Donc, ce que caméra 2, prépare-toi. Je vais mettre une petite toune de mon bon ami... Attendez que je la retrouve avant de dire n'importe quoi. Oui, j'avais effectivement apporté une William Shatner. Ooh. J'avais dit à un moment donné que j'en mettrais à chaque semaine, puis évidemment, j'ai complètement oublié ça. Donc là, je vous mets enfin Major Tom, entre parenthèses, Coming Home. Donc on va pouvoir écouter ça en background pendant qu'on regarde les pochettes. Donc, numéro 3 cette semaine, nous avons ici Diane Bibeau. Diane Bibeau. Elle est avec une marionnette. Oui, elle est avec un Pinocchio. Et un genre d'orgue que je sais pas si on peut zoomer encore plus sur l'orgue, on voit que. Zoom caméra 2, t'es capable. Il y a vraiment l'air super technologique, là. Regarde, il y a des chiffres, là, des petits digits. C'est un laser, toi. C'est un jeu de jeu au pardi. C'est un laboratoire d'expérience. Ça démontre qu'elle a fait magasin. Avec ça, Diane. Ben, elle fait de la bonne musique d'orgue qu'on pourra éventuellement entendre en background ici. La très bonne musique d'orgue. Donc, Diane, elle a l'air un peu ma tante. Puis est photographié dans un décor de télévision communautaire avec un fond gris puis l'unique plante puis étrangement le Pinocchio. Entre moi puis toi là, penses-tu qu'il y a quelqu'un ou tu sais qu'ils ont dit à un moment donné, hey c'est cute ton linge match avec le Pinocchio. Probablement que c'est prévu en fait. Je peux pas croire que c'est pas prévu. Donc voilà, c'est mon numéro 3 pour aujourd'hui. Numéro 2 maintenant, nous avons ici Super Stéréotype, sorti tout droit des années 80. Break Machine, Break Dance Party. Donc on voit que premier truc intéressant, il a été autographié par Alf, ce disque-là. Donc ça y donne certainement beaucoup de valeur. Oui, j'avoue. Et puis, ben on voit les Noirs de New York, comme les Noirs de New York, comme dirait Lucien. On voit ici les trois Noirs de New York. C'est eux. Avec les calottes qui matchent. Les casquettes qui matchent avec les vestes. Hey, sac. Et les mains cassées. Un jeu avec le bleu. Non, non, on est déjà un bleu. Mais là, je veux pas être le vert. Ah, t'es rendu à vert. Ça prend un vert. Fait qu'évidemment, c'est un single. On peut voir que tout ce qu'on a derrière, c'est deux tunes. Breakdance Party, puis Breakdance Party Dub Mix. Donc, avec du reverb. Avec du reverb, effectivement. Fait que là, il y a deux tunes qui sont dans le fond la même sur ouais, un gros jeu. Ça. Ben, c'est un single. C'est en quelle année, ça, Étienne? Je sais pas, j'ai pas regardé, mais si je regarde. 84. Hein? 84. C'est ça, c'est parce que moi, je pensais que c'était l'influence Walk Like the Egyptians. Tu sais, c'est le cover. Mm. Ouais, on voit qu'ils prennent la pause. Là, mais ça, non, pourtant, parce que. Ah, où c'est l'inverse. Dans le ghetto. Walk Like an Egyptian. C'était plus tard, ça. A été influencé par ça, peut-être. Ah, peut-être. Voilà. Tout est possible. Et mon numéro 1 de pochette aujourd'hui, c'est. Il s'agit du regretté Claude Blanchard avec un party ben le fun avec Claude Blanchard. Donc, ce qu'on remarque là-dessus, c'est un, l'allure débonnaire de Claude. Je sais pas si tu peux zoomer sur le. Mais voilà, regarde-moi ça, les belles lunettes super fumées, la moumoute, le super tox. Il y a les deux seules filles de la place qui sont autour. Pour l'instant, mais tu vas voir que ce ne sont pas les deux seules dès que je vais retourner la pochette. Donc, on a une inconnue ici et une autre inconnue en bas qui, je crois, en réalité, de ce côté, que c'est sa femme, si je ne m'abuse, mais il faudrait qu'on me confirme. Et moi, ce que je trouve intéressant... On m'abuse tous. Abusez-vous bien. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'ils ont pris la peine d'écrire « party » entre guillemets, ouais, pour montrer que c'est un mot emprunté. Mais ben le fun, ils n'ont aucun problème avec ça. Va. C'est français. Puis, si on regarde maintenant à l'arrière, on voit que, évidemment, Claude a attiré beaucoup plus de minettes avec le temps. Est-ce que si on pouvait zoomer sur celle-ci ici, là, moi je pense qu'elle, c'est Marguerite Blais. Je dis ça de même. Donc, vous ferez vos propres recherches. Hey, là, tu es en train de nous montrer le derrière d'une pochette de vinyle des années 70 avec Claude Blanchard, puis possiblement Marguerite Blais. Moi, je pense que oui, qui est maintenant là, s'occupe des personnes âgées, je ne sais pas trop. Là, bon, voilà. Puis, on voit le décor, en tout cas, ça a l'air c'est superbe. Et ça a été enregistré au Petit Musée Corby. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Aïe, merci Étienne, c'est vraiment des trésors du passé. C'est des belles choses. Tu brasses ta cave en faisant ça. Y a-tu comme la poussière magique qui te revient sur le monde? Tout le temps, là, j'étouffe à chaque fois. C'est pour ça que j'en apporte juste trois. Je prends mon souffle, j'en prends trois. C'est bon comme ça aussi. On va prendre quoi, 10 ans à peu près à passer au travail de ta collection? Si on veut toutes les voir, probablement qu'on n'arrivera jamais au bout parce qu'il en rentre des nouveaux tout le temps. Et voilà, on a été provoqués. On va aller faire une émission en direct de chez vous à un moment donné. Ça serait cool. Ouais, ça serait très cool. Oui, oui. Bon, c'est faisable. Travaille là-dessus pour l'instant. C'est quoi? On va aller voir un clip. Tu nous mets une toune? Wow. Avant ça, il y a une chose que j'aimerais faire. J'aimerais starter une affaire. Je copie l'idée de Nicolas Fournier-Larocque des Sciedérés avec Julien. J'aimerais ça que maintenant, à chaque semaine, vous me donniez un thème à préparer pour la semaine prochaine. Puis je trouve des tounes en rapport avec ce thème-là. Okay. Évidemment, en forçant quand même pour trouver des thèmes pas ultra pointus. Moi, comme je commence. Je commence les marins, là, les bateaux. Les marins, les bateaux, on y va avec ça pour la semaine prochaine. Genre, c'est marins, bon. Excellent, excellent choix. C'est bon, ça? C'est très bon. Excellent. un thème à la fois. Grandit ça rapport. Ah ben merci beaucoup Étienne. Moi je dis mets une petite toune là avant qu'on passe vers autre chose. Oui, écoute, j'ai une toune que je trouve cool qui m'a été donnée par Israël Trudel-Denis que j'ai pas revu depuis, mais qui est excellente. C'est de tirer de la cassette Schtroumpf Party 2. oui. Schtroumpf Party 2 qui a été enregistré, disons-le, en 1997 par les productions Guy Cloutier. Fait que il est vraiment partout le bonhomme, là, tu sais. Il a même apparemment abusé de la Schtroumpfette. Ce serait la deuxième victime non déclarée, apparemment. Non, c'est mais là, pas je vrai, dis ça, c'est Régis. Je sais pas si c'est vrai. Ah, pense qu'il faut pas dire ces choses-là. Pense pas. C'est vrai, faut pas parler de ça. C'est vrai. Non, les avocats, ils confirment, puis continuer. OK. Les avocats sont d'accord. On n'a pas gagné. Puis, ils disent que Régis a pas le cash pour se défendre. C'est ça. Il a pas son cash dans l'alcoolisé. Anyway, fait qu'on peut dire ce qu'on veut sur Régis. Ah, mais c'est pas le même. Non. Régis le bon, c'est fait violer par Guy. C'est comme le talent musical de la famille Simon. Non, mais il a été drainé par une entité spéciale. Ouais, je pense que t'es un peu alcoolique aussi. Attends, on est-tu en train de débattre qui a violé qui, là? Non, c'est fini. Ça, on parle du talent perdu de Régis. Voilà. Régis qui est en tournée en ce moment avec René et Nathalie. Donc, je vous dis ça dans un centre d'achat près de chez vous, sans doute. Ils font les arénas aussi. La toune du Schtroumpf Party 2 que je voulais vous faire jouer, ça s'appelle Gay, Gay, Gay. Et ça, je trouve ça drôle parce que, bon, OK... on peut faire la blague, on entend une toune des années 60 qui se dit « je suis gay, la la la ». Puis là, on sait que dans les années 60, ça voulait pas encore parler d'homosexualité, c'était juste « je suis joyeux ». Mais ça, ça a été en disque en 97 quand même. Puis il me semble qu'il n'y a pas moyen de pas faire de joke avec cette toune-là. Fait que je la pars. Fait que la joke, mettons, c'est celle qu'on voyait, c'est celle que tu nous as collée, puis c'est celle que ça. Tu dis que ça c'est va être ça. Cool. C'est le shroom coquet qui a la chance, celle-là. Ça, c'est pas mal une nouvelle entrée dans mes 5-6 chansons préférées de tous les temps. Pour vrai? Non, c'est bon. Anthony, mon fils aussi, très là-dessus. Ma blonde, un peu moins, par contre. J'aime bien les entrejambes qui chantent le gingembre. C'est pas ça, c'est pas alors, ça commence là. Gay, gay, super gay. Gay, gay, super gay. C'est les schtroumpfs qui chantent. Ouais, là, c'est les chœurs en ce moment. Là, il y a un schtroumpf précis qui va chanter. C'est supposé être les schtroumpfs qui chantent sur l'album. Je sais pas où c'est. Ce que les schtroumpfs écoutent quand ils vont départir. Ah, je sais pas trop. Je sais pas, ouais. Ça ne dit pas trop. Ben, l'album s'appelle Schtroumpf Party, donc. Ça ressemble à un petit peu qu'il y avait dans les lapins crétins. Bah, ça se peut. Puis là, il y a un bruit d'érection étrange qui rajoute un peu. Il est tellement gay que ça y sort. C'est ça. Ce que j'aime bien dans ce tune-là, c'est qu'évidemment, ça dit gay, gay, super gay. Le matin, je suis gay. Le soir, je suis gay. Il est tout le temps gay. L'automne, l'hiver, le printemps, il est tout le temps gay. Et du matin au soir, il ne pense que je trouve fait. Donc là, le seul... Le seul moment qu'il y aurait eu moyen comme de casser la joke, ils ont décidé d'utiliser le seul schtroumpfé de la toune pour garder un petit peu l'ambiguïté. T'sais. Donc, chapeau. Bravo. Pas avec ambiguïté. C'est de rappeler l'âge le public cible. Ouais, ben c'est sûr que les schtroumpfs sont 101 puis il n'y a rien qu'une schtroumpfette. Il doit y en avoir plusieurs de gays là-dedans. Là. Ben, il y a la même schtroumpf. Est-ce que c'est parce que la schtroumpfette, on a déjà débattu de ça, mais la schtroumpfette, c'est une création. Ouais, ouais, c'est même pas été même pas là au début. On là, sait pas c'est si ça existe là. Naturellement. On sait pas comment naissent les schtroumpfs, malgré le fait qu'il y a eu des jeunes schtroumpfs. Ben, ils viennent des cigognes. Mais... Ah ouais? Et les cigognes viennent les déposer. Ok, je m'en rappelais pas. Bleu. Bon. Ouais. Fait que, pis là, dans un autre, il y a d'autres schtroumpfs dans les nouveaux jeunes schtroumpfs. Ouais, ben, ça qui est une création aussi. Si je ne m'abuse, Sassette, là, la petite schtroumpfette ouais. Mini, là. C'est les jeunes schtroumpfs. Les jeunes schtroumpfs sont, en fait, on me corrigera peut-être, monsieur expert. Ouais. Les jeunes schtroumpfs, c'est des vrais schtroumpfs ordinaires qui sont rentrés dans l'horloge de père temps puis qui sont sortis jeunes. C'est vrai. C'est exact. Puis là, ils ont décidé, pour faire plaisir à la schtroumpfette, d'y créer une petite amie. Ok, petite fait puis là, ils ont été piqués la recette chez Gargamel, puis ils ont fait. Ils ont refait l'album. Ils ont refait un autre. Ouais, exact. Ouais, il paraît que c'est la descendance de Peyo qui s'occupe de refaire encore des. Penses-tu? Ben. ouais, sûrement, oui. Beaucoup d'argent à faire avec ça. Aïe, merci, Étienne. Si plaisir. Tu permets, je vais lire mon texte sur fait, le fait de ce soir. Bien sûr. Tu peux laisser la toune de Super Gay en background. Les extraits qu'on a ce soir sont en anglais, mais il y a quand même de la belle action à avoir. Hollywood Cop, une excellente nouvelle qui est liée avec ça parce que nos amis Mathieu Berton et Guillaume Bourin de France, quand ils ont appris qu'on faisait jouer ce film-là, nous ont envoyé la version française. Donc on a la traduction française pour ce soir au brouhaha. Là, je l'ai pas avec moi ici parce que Mega Upload est mort. Oui, c'est vrai. Ah là là. Eh oui. Dieu est son âme. Non, non, non, dis pas ça. Ça va revenir. Il ça va revenir. Il va revenir. Ouais, paraît que Chuck Norris est là-dessus. Espoir. Oui, Chuck Norris est là-dessus. Ben non, Chuck Norris est en train de se battre pour qu'il y ait un mur entre le pays du Mexique et le pays des États-Unis et de se battre pour qu'il enseigne la religion le plus jeune possible à tous les enfants obligés. Oui. Ça, c'est la liberté. Merci, Chuck. Chuck, son vrai nom, c'est Carlos et il y a un frère qui est mort au Vietnam. C'est personnel. C'est ça. Hollywood Cop, waouh, quel long métrage. Moi, je l'avais jamais vu et ça fait partie des secrets les mieux gardés du passé. Non. Des trésors inconnus du 7e art. On découvre du grand ce soir. Je parlerai pas trop du film parce que je suis encore sous le coup des émotions et je l'ai pas vraiment écouté. Disons que c'est un body movie de flic de la fin des années 80 avec un blondinet bouclé franchement plus laid que la majorité des gens dans son rôle de héros. Et un noir moustachu qui parle plus que l'autre en vedette. On a aussi Cameron Mitchell dans le rôle du sergent de police préposé aux armes et aux badges. tu sais, rendez-moi votre arme et votre badge. On a déjà vu ça. Mais on ne le voit pas assez longtemps pour qu'on soit réellement imbibé de la petite sauce, la fragrance particulière Cameron Mitchell. Je vais plutôt parce que c'est ça qui m'a marqué en regardant le début du film. Comme on voit là, c'est ils ont mis les noms des acteurs Cameron Mitchell sur les. Je pense pas que Cameron Mitchell. Je comprends bien, ils ont fait des étoiles à Hollywood pour chacun des acteurs qui a joué dans ce film-là. Ça doit être écœurant, hein? Ça doit être pas ça. Il était déjà vénéré avant. C'est tous des bons acteurs, ça veut dire. Troy Donahue, excellent. Il est dans Cuba, il est dans La Justice à coups de poing. Non, il est dans. Voyons, Deadly Prey, c'est ça que je cherchais. Non, ben là. C'est excellent comme film. D'habitude, dis Deadly Prey, puis je t'engage. Donc, je vais plutôt profiter de ma tribune que j'aime bien gros pour féliciter le travail des perchistes, les preneurs de son et autres techniciens de l'audio. Les féliciter pour leur travail quelquefois compétent, souvent compétent et toujours difficile. Car le travail du responsable de l'audio, quand c'est réussi, c'est de ceux qui se doivent d'être réguliers et réussis pour que l'effet d'un film ne soit pas inégal et que notre attention ne soit pas prise par une mauvaise trame sonore. Quoi de plus tape-nerf que de se retrouver devant un dialogue au volume écorché, aux interventions déphasées, aux informations brouillées, par la mauvaise qualité de l'audio, t'en viens à te dire, c'est quoi qu'il a dit là, tu sais, pour être sûr de bien comprendre, mais c'est jamais utile de pas bien comprendre ce que les personnages disent. Donc, le travail du technicien audio, quand il est réussi, nous permet de nous concentrer sur les subtilités volontaires du scénario, sur les aspects plus compliqués ou cachés d'un film. Si le cadreur sait pertinemment ce qu'il doit cadrer et comment il doit procéder pour isoler sa cible, le preneur de son, quand il est bon, effectue un travail beaucoup plus diffus en se battant contre les ondes sonores provenant de partout autour, de dedans, de toutes les directions. Ouais, qu'il soit bon ou non, les techniciens de son sont responsables de l'impact final qu'un film peut avoir sur nous. Remarquez dans Hollywood Cop combien le travail d'un preneur de son influe directement sur l'impact qu'un film peut provoquer. Vous allez voir, c'est... Des fois, il y a comme de... son de qualité? Oui, la très grosse qualité, mon gars. On voit sur les micros, des fois? Pas à date. C'est donc, lui, c'est le héros blondinet bouclé. C'est... Ben oui, il est beau. On dirait qu'il a l'air comme malcommode, là, ou c'est comme une vedette de shérif, fais-moi peur, ouais, mais 6 ans pas drôle, là. C'est à peu près ça, oui. On sait pas trop c'est quoi qui se passe. Donc, en gros, l'histoire, parce que j'ai lu derrière de la cassette puis que je l'ai vu acheter un hot dog, c'est que lui, il va se passer de quoi à un moment donné, puis il va perdre de quoi de bien important. Fait que là, il va décider avec son chum de mettre une fin à ça. Puis à un moment donné, il va falloir qu'il rende son arme, son badge, parce que là, il va avoir été trop loin dans ses manières de rendre la justice de manière personnelle. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il va prendre une espèce de débarque, qu'il va vraiment mettre son coéquipier noir, tu sais, sa fidélité à l'épreuve. Et puis là, ben, si le coéquipier décide de pas le suivre, il meurt. S'il décide de le suivre, il peut survivre, mais ses chances sont minces. Ouais. C'est un petit peu... Il était un coéquipier noir, donc... Okay. Il savait dans quoi il s'embarquait de départ. Ben, moi, j'avoue, pourquoi t'es coéquipier si t'es noir? Les coéquipiers noirs savent un peu les risques du métier. Là, c'est un choix qu'ils ont fait. Particulièrement si la retraite s'en vient. Oui, c'est ça. S'il reste juste 6 mois avant sa retraite. Oui, je dirais que il décide de pareil rentrer travailler. Là. Non. Tu sais, souvent, non. Si tu prends ta retraite 6 mois avant, là, tu perds juste 1% sur ton fonds de pension. Là. Reste dans la maison. Tu peux même prendre une pré-retraite. C'est ça. Tu restes en vie pour en profiter. Et voilà, c'est bien mieux. Hey, ou tu fais là-dedans. Une retraite surprise. Comme ça, le destin n'a pas le temps. Tu sais, il ne sait pas. Tu sais. C'est vrai. Si tu n'as pas de deadline, tu dis « OK, aujourd'hui! » C'est ça. Là, c'est fini. Ouais. En tout cas, il faudrait pogner un coéquipier noir qui a survécu puis qui a réussi à se rendre à sa retraite pour qu'on réussisse à apprendre quoi son truc. Ouais. Il dit « Moi, j'ai laissé mon arme et mon badge dans le tiroir de mon sergent depuis 42 ans. » C'est ça. Ah ben, et je vis en paix. Un héros. Donc, ça va être ce soir dans 6 bars du Québec et bientôt à Tadoussac parce que la gentille dame Amélie Goulet est revenue du Guatemala. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait un an et demi, elle voulait ouvrir un chapitre là-bas. Ouais, et ouais. La dame est revenue, puis là, ben, ils sont 30 biologistes qui ont rien à faire le lundi soir. Fait qu'à l'auberge de Tadoussac, il va y avoir les douteux qui vont partir. Il y a 30 biologistes à Tadoussac. C'est exactement. Puis il paraît qu'ils gardent le bossal de la semaine pour lancer dans l'écran. J'aime bien ça. Fait que c'est là que sont tous les biologistes du Québec, dans le fond. Biologistes marins, en plus. Marin. Ah oui, à cause de baleines. Ben, je dois en avoir quand même des cohortes de diplômés une fois de temps en temps. Ouais, je sais pas. Moi, je suis sûr qu'il y a une très bonne densité de population là, de biologistes. geste marin ouais, pendant l'hiver. Mais de dire tout. Tout. Je te trouve un petit peu. En tout cas, s'il y en a un autre ailleurs qui se manifeste, sinon, moi, je conclue que oui, ils sont pas comme ça. On vous rappelle. Ça a l'air que ça va mal pour les belugas, c'est en site. Ah ouais, j'ai entendu ça à la radio. Eh ben, puis là, on l'a dit à la TV. On les salue. On salue les belugas. Hey, mets un clip prêt, puis après ça, ça va être l'excellent Julien Bernatché dans son rôle de nous faire rire. Coupé. Alors, c'est mon texte. On était d'un party, on voulait s'en aller. Après une coupe de pâques, on voulait quelque chose de plus rock. On a calé nos verres, on est sorti par en arrière. On fait une course, dernier rendu, il paye la bière. J'ai ma musique à planche, j'avais fallu que je planche. Les gars de la gang, c'était pas des chauffeurs du dimanche. Destination, j'allais me carrer. J'avais les pistons qui me cognaient dans la poitrine. J'avais dans les narines. C'était Zébulon avec une toune. Adrénaline. On va continuer au nom de la reine. Écoutez, je dois me rétracter. Quand j'ai fait ma chronique sur Gaston, pas celle sur Gaston, je fais beaucoup de chroniques sur Gaston cette année. Ouais. C'est un sujet inépuisable. Inépuisable, on me le reproche beaucoup d'ailleurs. Parle de Michel Vaillant, c'est drôle ça. Non, on va revenir à Gaston. Puis quand j'ai fait ma chronique sur Gaston, j'ai dit qu'il n'y avait pas de jeu vidéo de Gaston. Mais en fait, j'avais pas vérifié mes dires parce que je me disais, il peut pas avoir de jeu vidéo de Gaston. C'est sûr. D'ailleurs. Sans que tu le saches en plus. Sans que je le sache, et qui plus est. Ils m'ont pas appelé. Mais il y a un jeu vidéo de Gaston. Il y en a un. On va avoir des images. Je vais te dire quand mettre le vidéo, Predge. On va avoir des images. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous pensez que c'est un jeu vidéo de Gaston? Sûrement quelqu'un, genre tu joues Gaston, puis un side-scroller que tu ramasses des contrats. Ouais, faut pas te tromper. Puis que Mme Deljean se fait capturer. C'est-tu le PlayStation 3? Ben écoutez, je vais y venir. Tu pitches des lettres de courrier en retard. Oui, t'as plus trop dans des mini-jeux. Puis là, t'as le gaffophone comme arme secrète une fois de temps en temps. Le gaffophone empêche les contrats d'être signés. Eh bien non. Le jeu vidéo est sorti sur la légendaire console Amstrad. Oh la vache! T'es un fan d'informatique. Est-ce que tu connais l'Amstrad? Moi, je le connaissais pas. Non, moi, ça me dit absolument rien. Amstrad CPC, c'est une des variations du Amstrad. C'est un ordinateur. Tu mets la photo, go! Ouais. C'est un ordinateur personnel sorti dans les années 80 en France qui n'a pas connu un grand succès, finalement. Et c'est une. On a vendu 1 million de copies. Alors, CPC, ça fait un peu comme PCP, hein, je sais pas si c'est ça. Mais bon. Il y avait quand même sorti beaucoup de jeux à ça, dont un jeu de Gaston. Et c'est aussi une de ces fameuses consoles à laquelle on joue à des jeux sur des cassettes. Ouais. Des cassettes audio, genre. Mm-hmm. OK. Comme le Commodore, des fois. Mais pas comme le Commodore. En fait, ça serait un concurrent du Commodore. C'est similaire. Mais ça, sauf que tout le monde a oublié l'Amstrad CPC. Ah ouais, c'est ça, c'est Vic 20. Plus le Vic 20, je dirais, voilà. Avec l'année. Là. Alors, tu peux partir mon vidéo, mon cher Predge. C'est le seul vidéo que j'ai trouvé sur Internet. C'est de la flûte de Pam. Oui. Je l'enlève pour le jeu. C'est le seul vidéo que j'ai trouvé sur Internet avec des images, puis on pourra pas mettre le son parce qu'il y a un français qui parle tout le long. Mais... OK, donne-moi une minute parce que la vidéo, il marche pas. OK, tu te renvoies le lien ou quelque chose ou... fait que, ben, ça, on avait une nouvelle brève, BD. Ben, c'est la flûte de Pam. Écoutez, tout le monde se souvient que la série Alix, c'est plate. Hey, Chris, oui. Ouais. Fait qu'éventuellement, je vais faire une chronique dans laquelle je vais deviner qu'est-ce qu'il y a des albums. La BD qui a le plus d'écriture, plus que Tintin, genre. Black et Mortimer est dur à battre, je suis là-dessus. Ouais, Black et Mortimer, ils sont pas là. Et on me confirme. Ben lui, il vient d'Angoulême, fait qu'il sait. Tu viens d'Angoulême, on devrait parler de ça à la place. mais comment rendre Alix plus plate, se sont demandé certaines personnes. Les problèmes techniques sont réglés. Eh bien, Alix... Ouais, là c'est la... Ouais. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai comme ça qu'ils se sont formulés la question. C'est dommage. OK. On va faire mieux. Plate, mais caméra un zoom. OK, bah gars, je vais finir ma nouvelle d'Alix. mais il y a quelqu'un s'est dit comment ça pourrait être plus plate. Eh bien, ils vont faire un spin-off qui s'appelle Alix Senator, comme sénateur en anglais, dans lequel Alix, âgé de 50 ans, est sénateur sous l'Empire. Donc, ils vont ramener de la politique dans Alix en plus. Oh mon dieu. Alors, on a très hâte. On peut voir dans mon écran devant moi un Alix vieillissant dans une toge. Il me semble que Alix, ça date des années 70. Ça date des années 50, même, je crois. C'est le journal de Tintin avec Tintin. Tout ça. Oui, voilà. Mais il était dans toutes les époques. Là. Il était pas nécessairement. Alix, non, il était toujours dans la même époque. Ah ouais? Oui, il était comme en 40 avant Jésus-Christ à Rome. Ok. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Tout. Oui, c'est tout. Eh oui, toi! Par Alix. Alors, t'as dit que t'avais mon vidéo. Alors, comme je disais, il y a un jeu vidéo de Gaston fait par Ubisoft. Vous pouvez voir en bas à gauche. Ben Ubisoft. Oui, c'est fou. Ubisoft existe depuis 1986. Et ce jeu-là date de 1987. Alors, c'est définitivement des premiers jeux d'Ubisoft. Non, bah, avec le gaffophone détruit. Ouais. Là. Fait que moi, je vais te dire, Predge, quand avancer, puis tu mettras ça. Ça va? T'es correct? Sinon, ben, ça commence, là, c'est en temps réel. Ça commence avec 2 minutes de load. avec la prémisse du jeu. La prémisse du jeu, c'est que le gaffophone a été brisé. Ah, ok. C'est ça, faut réparer. D'ailleurs, la souris, on vous allait bien dans 30 secondes. Il y a quand même l'air content de ce fait-là. Ouais, il est heureux, quoi. Avant ça, à 2 minutes, Predge. Je vais pas te donner d'ordre. On met pas de choix à 1 ou à 2. Deux gars. Il faudra que t'aies vraiment quelqu'un qui dort. Mais... Puis sinon, tu peux jouer avec joystick ou clavier, dépendant lequel tu veux coller ça dans le mur. Voilà. Ensuite de ça, s'il y a encore du loadage, puis là, il faut que tu tournes la cassette de bord. Ouais, ça c'est classique. Fait que voilà. Oui. Fait que. Écoute, avance ça maintenant à 3 minutes 23, s'il te plaît, Pritch. Fallait être patient dans ce temps-là. Hein? Voyons donc. Alors, c'est quoi? On a un côté de cassette que c'est loading screen. C'est quoi un jeu vidéo de Gaston? C'est un rip-off de Clou. Ah, puis là faut trouver qui a fait qui a brisé le gaffophone. Comment faire jouer Gaston? On peut dire les jouer à clous en se posant la question, j'imagine. Puis on peut dire le Brac dans la salle de photocopie. Bah c'est genre ça, ouais. Puis c'est avec la mouette rieuse. Là quand tu joues à deux, je présume que l'autre personnage fait long terrain, mais en tout cas quand tu joues tout seul, il y a quand même deux personnages en même temps et le deuxième c'est long terrain. Et lui ben il fait la même chose que toi, soit ramasser des indices dans les pièces, c'est la même chose que Clou. Dans le fond, c'est une course à trouver c'est même qui? Des en haut à droite, on voit les dés, c'est des dés. Ouais, c'est en temps réel, là, tu sais, c'est ça. OK, parce que, mettons, pour que faire avancer dedans. Gaston d'une pièce à l'autre... Ouais, c'est ça, ouais. Le fun, il vient-tu avec la cassette ou faut prendre la drogue avec Mathieu avant de jouer? Le fun est, oui, c'est le fun de l'affaire de drogue avec Mathieu, faut faire. Puis, faut, ouais, mais je veux dire que sur l'ecstasy, hein, regarde les loading screens. c'est ça, donc... que ça avance, là. Ouais, le jeu joue. C'est quand tu joues, donc c'est ça... C'est non, que tu joues à deux ou tout seul, il y a un deuxième player que c'est Lontarin. Puis les deux, c'est ça, faut qu'ils ramassent les indices. Mais vu que Gaston et Lontarin veulent la même chose, je sais pas pourquoi ils travaillent pas ensemble. Mais en tout cas, parce là, on peut voir ici, là, c'est pas super clair, on peut voir en haut à gauche que c'est les WC, les toilettes. OK. Fait que donc on peut finalement voir les toilettes des éditions Dupuis. Ah oui, qui sont en briques. Oui, qu'on a jamais vu dans les albums. C'est comme la place la plus grande. Sinon, c'est ça. Avance-moi ça à 5 minutes 40, s'il te plaît. Tu vas vraiment changer quelque chose? Ben oui, on va voir le gameplay. Regarde, ça, c'est long terrain, si on voit les écrans. Ben oui, là, on voit dans combien de salles sont rentrées. Il y a encore des choses à dire. Encore des choses vous à êtes dire. Devant une porte, voulez-vous oui, entrer, entrer, oui ou non? Oui ou non. Le gars qui joue aux vidéos, il n'a jamais dit non. Il a toujours c'est dit oui. Piège. Ben, c'est pas mal tout le temps ça, l'idée de rentrer. Alors voilà, là, celui-là, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il est lettre en tabarnak, mais c'est chaque. Tu vois des pièces des éditions Dupuis, le courrier. Ouais, c'est au Moyen-Âge, là. On reconnaît la documentation, le château de livres que Gaston se faisait là-dedans. Tu fais pas des spéculations comme tu ferais à Clou, supposons. Faut que tu cliques avec une loupe partout. Pour trouver l'indice. Puis là, ça te dit visez mieux. Ok, faut que tu trouves une affaire qui aurait pu être une arme potentielle. Il n'y a rien. Qu'on cherche des armes. Il n'y a rien. C'est le principe de chaud-froid, quoi. Ouais. Puis là, c'est chacun notre tour, fait que t'as pas comme 8 clics. Ben, maintenant, tu sors de la pièce, là, quand t'as soit trouvé quelque chose, soit rien trouvé. Ou soit tu t'es écœuré. C'est ça, maintenant, tu te tentes. Tu peux passer devant plein d'indices là, comme ça là, en te tannant là. Ben j'imagine que c'est plein d'indices derrière. La vidéo dure 18 minutes, puis le gars qui a fait la vidéo avait ce jeu-là quand il était jeune, selon ses dires. Puis tout le long de la vidéo, il trouve aucun indice, aucune arme. Ça dure 18 minutes, je l'ai écouté plusieurs fois pour écrire ma chronique, puis c'est vraiment dole. Puis c'est là. Puis vraiment, il trouve rien. D'expérience, le gars a jamais rien trouvé. Ben, je sais pas, ouais, il s'en souvenait pas si je ne l'avais trouvé. Là, t'es quoi, on a porte. Non. Ensuite de ça, on nous demande non. Va à 9 minutes 12. Il y a encore d'autres choses surprenantes. Il y a encore d'autres affaires à dire sur le sujet. Aïe. Ça m'a quand même surpris. Il y a un ascenseur avec 5 étages. Ben oui. Donc, c'est comme 5 planches de clous une par-dessus l'autre. Fait que c'est du clou en 3D. Fait que c'est vraiment long une game de m'enfin. Les pièces changent. C'est tout, la même chose, mais c'est différents étages avec différentes pièces. Ouais, fait que disons, genre 45 pièces à faire. Et puis là, on peut voir ici, c'était le tour de long terrain, puis sa barre rouge montait, ce qui est vraiment une barre grise vide. Puis Lontarin en plus, ben il est meilleur que toi, qui est contrôlé par l'ordinateur. Puis lui par exemple, quand lui arrête la vidéo, Lontarin est déjà rendu à 2 indices. Fait que non seulement c'est très très long une game de Gaston et très très plate, mais en plus tu perds. Tu perds tout le temps. En 18 minutes, il a trouvé 0 indices. Il trouve 0 indices, mais il faut aussi trouver des bonhommes. Ah ça c'est drôle ça. Ça c'est qu'il a cliqué sur la lampe. Fait que là, ça a éteint. Ça fait une blague. D'ailleurs, ben, en tout cas, le gars il rit dans la vidéo, mais moi non. Heureusement, j'ai une lampe de poche dans mon. Voilà. On peut les faire les rires. Gaston, vous avez encore touché aux installations électriques. Ouais. Dans le fond, c'est que des fois, tu cliques puis ça te sort un strip gag. Genre, mais celui-là revient deux fois dans la vidéo puis il n'y en a pas d'autres. Tu sais, la deuxième fois, puis là, c'est un peu long aussi. Le gars, il fait « Ah, excusez-moi, on peut pas sauter. » Des fois, c'est facile de transformer une bonne idée en une mauvaise. Ah ben oui. Sinon, ouais, avant cela, 11 minutes 30, juste... Là, je sais où il va rentrer. Ah ouais, ben là, il rentre. Moi, je vais... Le bureau de prunelle qu'on peut voir, oui. Ah, avec les étagères qu'on reconnaît. Ben oui, sinon des fois, ouais, il y a une grosse enceinte spire ou des affaires, mais tu sais. Il n'y a rien. Puis vraiment, le gars qui fait le vidéo éventuellement, au début, il est de bonne humeur. Mieux. Puis à la fin, il est comme, ben là, putain, là, c'est quoi cette merde? Lui-même, il arrête parce qu'il est tanné. Tu sais, tant qu'à perdre, au moins, il avait trouvé deux indices, il se dit, bon, je vais jouer comme il faut. Mais tu sais, sinon, ouais. que je t'avais dit 11 minutes 30, c'était juste un petit exemple qu'on voit que l'on... Pas mal. OK, bah c'est que on va voir que l'Ontario est beaucoup plus avancé, mais on comprend l'idée. Sinon ça à 12h50. Midi 50. J'ai écrit mais 12:50. 12:50. On peut voir qu'il trouve quelque chose, il trouve quelqu'un, parce qu'on trouve aussi des personnes, comme dans Clou, il trouve Fantasio, qui est parfaitement mal dessiné. Puis finalement, il va trouver deux personnes aussi. Mais là, trouver une personne, c'est pas tough. Avant ça, à 4. Ben, faut que ça fasse toutes les pièces. Ouais, mais tu. Ok, c'est ah ben, même pas là, Fantasio, il a déjà été là. Ok, on le voit en haut à gauche. Tu donnes, comme si j'ai bien compris, ça donne des points. Puis c'est genre, si ta barre de points est pleine, ben là, tu sais qui l'a fait. Mais les dés, ils servent à quoi? Ben, tu te déplaces avec des dés. Mais. Déplace sur le bord. Ben, parce que quand ton tour est fini, c'est le tour de l'Ontarien. Le but, c'est pas de comprendre, Tommy, c'est d'avoir du plaisir. Ouais. Ouais. Avant ça, à 13 minutes 45. Ça se peut que si t'es pas chanceux, tu visites bien moins de pièces que ton adversaire. À 13 minutes 45. Ouais, parce qu'est-ce qui arrive dans le cas présent. On voit tous les personnages secondaires ici. On voit Monsieur Boulier. Parce que c'était un petit peu avant, mais en tout cas, c'est ça, on pouvait toutes les voir mal dessinées, si ça vous intéressait. Voilà. Redemption en Amstad. Il y a un personnage. Il y a ça, c'est que vu qu'il a trouvé Fantasio, faut qu'il. Non, les voit là, puis même, il est vraiment loin, il y a le voleur, il est vraiment dans les personnages secondaires. Là, faut qu'il note manuellement qu'il a trouvé Fantasio. Alors voilà, j'ai trouvé Fantasio, alors je vais le noter dans mon petit calepin. Puis là, avant ça, à 14 minutes 25, on a presque terminé tout le monde. À 14 minutes 25, il trouve une deuxième personne. Il trouve Monsieur Boulier dans les toilettes. Oh là là, il doit être content. Je trouvais ça, qu'est-ce que Monsieur Boulier faisait dans la toilette? Votre regard, c'est aussi bon que le mien. C'est très louche. Ouais, ben, vraiment, il cachait l'arme du crime. Non, on s'entend que les petits bonhommes réservés, là, c'est des pédophiles. Et on termine ça, donc, mais éventuellement, le gars... C'est tombé s'il y a dessus. Oui. Le gars, éventuellement, comme je disais, abandonne. Il fait fin de partie, puis ça finit que trouver deux personnes, puis zéro armes. En plus, j'ai pas le terme arme, vraiment, mais en tout cas... Puis l'autre, il en a trouvé beaucoup plus. Avant ça, à 17 minutes. Vraiment? Ouais, c'est la fin. L'Ontarien qui va finalement. Ben, c'est que vu qu'il abandonne. La fin finit comme le début. Vu qu'il abandonne, c'est qu'il reçoit la même affaire qu'il aurait reçu s'il avait joué les deux heures de la game. Ouais. L'Ontarien a perdu, et c'était bien sûr Jules de chez Smith en face qui a fait ça avec un marteau dans le labo photo. Et voilà. Pourquoi Jules de chez Smith en face, l'ami de Gaston, a brisé le gaffophone? On sait pas trop. On sait pas trop. Peut-être. Par erreur. Peut-être. Tu te pètes pas à quelque part pour le tasser ailleurs non plus. On sait pas. Ah, t'es sorti que. Puis aussi, ben, semble-t-il que les pièces, puis ben, c'est ça, c'est comme que c'est aléatoire, les pièces, les personnages. Ouais, tu peux jouer. La rejouabilité est intense, là. Ouais, vraiment. Parce que ça se termine tout le temps, vous avez perdu. Donc. C'est genre, c'est un jeu qui s'est pas beaucoup vendu. Faut chercher. Puis c'est un jeu qui est sur format de cassette audio, mais c'est un format qui se détruit avec le temps. Ouais. Fait que ça a l'air qu'il est particulièrement rare, ce jeu-là. Ah. Alors, si quelqu'un pogne m'enfin au Amstrad, voilà. Faut sauter là-dessus. Amstrad CPC, sauter là-dessus parce que. Acheter un billet de l'auto. Mais est-ce qu'il existe des émulateurs de ça? J'ai pas, le gars qui a enregistré ça, il y avait vraiment cet appareil-là. J'ai trouvé un gars qui avait un émulateur sur Internet, mais j'ai pas essayé. Sûrement qu'il y a moyen. C'est quoi qui s'en vient? Hein? Je vais jouer une game de Manfin. Tu vois ton propre vidéo. De Manfin. Oui. Oh, c'est vraiment super ce jeu. Alors voilà, Manfin ou Amstrad, 1999, cherchant en beau. Ouais, ouais. Et Alex Senator, début 2013. Ah oui, on reste là-dessus. Ça, ouais. J'avais déjà oublié ça. Hey, merci bien gros, Julien Bernacci. Julien Bernacci qui vient de clore cette émission de 70%. Merci beaucoup à notre réalisateur invité. Ça fait plaisir. Le verre, checkez ça. Hein. Ah, ça a paru. Il y a eu plus de rigueur. Deux frogs vers l'ouest. Là. Oui, c'est vrai. Elle est trop bonne. Oui. Je vais la rire jaune, celle-là. Non, il vient de sortir son documentaire, c'est La Route de l'Ouest. Voilà. Ouais. C'est ça. Attention, ne pas confondre. C'est ça. Puis lui, il se plaint pas sur Facebook qu'il manque d'argent pour finir son film. On a eu Paul Jean ici, qui est d'Angoulême. Qui est un Français. Ouais. Ouais. On l'applaudit. Merci bien de m'avoir accueilli. La France qui est située au centre du centre. On pense à vous, la France. On en invite jusqu'ici. Oui. Ah oui. Monsieur Forêt. Puis Sarko. Oui, c'est la semaine prochaine, ça sera la marine et les bateaux. Et voilà, oui. Merci. À la demande de Tommy. L'absence. Mathieu Boudreau. Mathieu. Qui ça? On a les petites groupies dans le salon, là. On s'en vient vous donner de l'attention, les filles. Les nénés. On a Myriam à la caméra ce soir. L'excellent Fred Fournier, alias le temple de la bière. J'ai dit Julien. Il y a Simon Prêtre, Jacques Console. On continue à travailler fort pour vous ramener du strict minimum la semaine prochaine. Pour l'instant, on s'en va écouter Hollywood Cop au brouhaha ou à Québec. Ici aussi, on va le mettre juste après, ou à Québec, ou à Shawinigan, ou à Sherbrooke, ou à Sainte-Thérèse, ou à Rouen. Quoi d'autre? C'était Tommy Godette au micro qui vous souhaite de ne pas tomber dans les marches d'escalier. On salue les 11 personnes qui nous écoutent live en ce moment. On salut! Fait ça. Allô? Vous êtes courageux. On en a deux de plus à chaque semaine. Oh! Mais deux par semaine, dans deux ans, on est rendu à 200. Le calibre est monté aujourd'hui. Hein? Un réalisateur, ça change tout? Oui, un réalisateur, merci. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit... Écrivez-nous, on lit vos mails. C'est sûr. On a vraiment rien à faire. Ouais, vous envoyez-nous les ouais, jeux. Mais on va commencer par attendre d'avoir des courriels pour engager une recherchiste. Ouais. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas ça va devenir des bigles. Donc 70 POUR 100 à gmail.com. Ça paraît en bonne. Eh, voilà. 3.0. Fais-tu l'émission? Ben, je me disais, tu sais, ça, on donne pas la chance. On s'applaudit. Ah ouais. On s'applaudit. Hey, applaudissez-nous. Vous méritez. Ouais. Et. Coupé! And when I sleep on your couch, I feel very safe.